01 42 48 5000. Le dernier là pour ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais passer une dédicace à mon meilleur pote Théo. Ouais. C'est un joyeux anniversaire. Et une dédicace aussi à Marie-Lou. Bah, joyeux anniversaire à Théo et à ton téléphone qui va décéder. Hein. On souhaite bon courage. D'accord, merci, au revoir. Moi, j'en ai une exceptionnellement pour mon fils Joshua qui a 18 ans aujourd'hui. Ah, oh, joyeux anniversaire, Joshua. C'est bon, ça, Doc. Et tu sais qu'il a poussé son premier cri sur cette radio. Oh, c'est mignon, ça. Oh, c'est mignon. Et on a la vérité. Et on le savait, donc on a l'enregistrement. Non, c'est une connerie. Oh, c'est mignon. Joyeux anniversaire à Joshua qu'on connaît en plus. Hein. Ouais. 18 ans, ouais. C'est pas, c'est ça pas y est, tu peux faire ce que tu veux, Joshua. Ouais, c'est pas le dernier des niqueurs. Hein. J'aime autant te dire. Hein. Il m'a raconté des petites histoires. Je me permets, hein. Plus d'anniversaire. C'est Mickaël. Voilà. Voilà. C'est pour moi, c'est gratuit, c'est offert. Merci, Mickaël. Ça va lui faire plaisir à Joshua. Voilà. Faut écouter la finale, hein. Elle est très douée. Voilà. Ah, bon bravo. Anniversaire. Donc. Quel est le nom de cet artiste incroyable? Oh, d'une grande artiste. Très très grande artiste. Ah bah écoute, j'ai l'impression que tu la connais personnellement. C'est toi qui as enregistré? Pas du tout. Mais par contre, ça a été fait en ma présence. Bon, enfin bref, je t'expliquerai. D'accord. Oui. Avec grand plaisir. Tu tenais le manche. Exactement. Oui, tout à fait. Je tiens toujours. Il vaut mieux d'ailleurs. Hein, il vaut mieux. Ouais. Et après, tu prends le manche en main et puis tu guides. Hein. Voilà, j'ai toujours avec les explications de Gilou, bien entendu. Bien entendu. Toujours aidé par le mec de Karima. Hein. Ouais. Voilà. Gilou, j'avais oublié. Mais il m'a brisé le cœur. Et t'as entendu le son sur lequel elle fait l'amour là en ce moment? Écoute, malheureusement non. J'ai entendu celui de Lilou, j'ai eu de la peine pour elle. Mais attends, écoute celui de Karima, il est fantastique. Ah bah non, tu sais qu'on a Kassim à l'aria, donc c'est pas ça va pas être possible en fait. Très bien. Mais bon, il est temps de prendre l'antenne. Mais il a déjà fermé la boutique lui. Il a déjà pointé tout le bordel. Hein. Il est déjà même plus dans le studio là. Bon, allez, retour de Loving Fun demain. Alors déjà la dernière de la semaine. Oh là là là là là. Ça passe vite. Ah bah je te confirme. Allez, nous on est parti jusqu'à 2h. Ciao à vous, bye bye. Ciao à demain. Salut. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Eh oui, on est là, il est enfin 23h. Et qu'est-ce qui se passe à 23h? Eh ben, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio de 23h à 2h. Et puis du lundi au jeudi, puis le dimanche soir aussi de 20h à minuit. Est-ce que tu as prévenu tes potes que tu passais, Anthony, ce soir à la radio? Ouais, j'ai... Parfait. Bon, il y en a combien là que t'as prévenu là? Bon, c'est une centaine, je rigole. Non, je rigole. Bon, c'est quoi le prénom le plus idiot de tes potes là? Oula. Il y en a un qui doit bien avoir un prénom le plus idiot, le plus con. Le plus chelou. Ouais, le plus chelou, voilà, plutôt ça, ouais. Brandon. Brandon. Ah ouais, Brandon. Oh, c'est pas chelou, ça fait American. Ça fait. Quel âge il a lui? Ah, il a 18 ans. 18 ans, ouais, à mon avis, sa mère a dû être sur la fin de Beverly Hills. Elle a dû connaître. Elle a dû connaître Brandon Walsh, Dylan et tout le merdier, effectivement, et c'est vrai. Et Brenda. Et Brenda, enfin, toute la. Kelly, et tout qu'est-ce monde, qu'elle quoi. Était bonne, Kelly. Si, moi j'aimais bien. Non, elle était bien, mais il y avait un truc qui n'allait pas. C'est comme Donna. Donna, elle allait pas du tout. Non, mais Donna, et puis après, tu sais, quand tu voyais ses seins, ils étaient super écartés en fait. C'était bêtis, bon, parce que c'était des faux, quoi. Mais quand j'étais petit, je savais pas. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a toute une autoroute au milieu? C'est bizarre quand même. Donc, ouais, ça m'a toujours perturbé à ce niveau-là. Bon, enfin bref, je raconte ma life, c'est pas très grave. Hein. Anthony, bon, on va parler de quoi avec toi ce soir? Bah, en fait, on va parler que ma meuf, elle me dit de poser des questions cheloues à son ex. Ah oui, c'est vrai, on t'avait eu en fin d'émission hier. Bon, c'est-à-dire, en deux mots, là, j'ai pas très bien compris le concept, pour ceux qui débarquent. Bah, en fait, le truc, c'est qu'elle me pose de dire si encore il la trouve belle, des trucs comme ça. Ah, il kiffe encore sur attends, lui. Attends, je comprends pas. Donc, attends, il faut quand même que j'arrive à revenir, là. Donc, tu dois poser des questions cheloues à l'ex de ta copine, pour voir si, en gros, lui est toujours intéressé. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, on va en parler. Si vous aussi vous êtes déjà sorti avec des gens barrés, hein, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Vous passerez à l'antenne avec nous. Sandro, qui a passé une bonne journée ou pas? Oui, très très bonne. Très très bonne. Eh ben, tant mieux. Ça a été le retour hier en taxi? Oui, très bien. Bon, ben tant mieux, parce que la dernière fois, elle a perdu sa voiture. Je tiens quand même à vous le rappeler. Toff, prêt également avec de nouveaux amis. Tu viens ici, je te boire ta gueule. T'as compris? Voilà, il y avait aussi celui-là. Petit-fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Voilà, donc trop d'amour à mon égard. Ah, toujours trop d'amour. On fera de nouveaux appels dans quelques minutes. Dès maintenant, là, si vous avez des numéros de téléphone de gens chauds comme la braise et disponibles, bah, en tout cas, qui se couchent relativement tard, n'hésitez pas, bien sûr, à envoyer ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et notre spécialiste en construction de jeux, bien sûr, hein, ouais. Va bien aussi, Polo. Bah, donc, ça va. Se présente comment la trottinette de ce soir? Parce qu'on s'est mal défoncé par par la ouais. direction, on a cassé les murs. Oui. Voilà. C'est donc, notre faute si la peinture s'en va. Voilà, la peinture s'en va. Si vous êtes peintre, alors oui, je lance une annonce sérieuse. Si vous êtes peintre et que vous voulez revenir faire la peinture dans les studios de Fun, enfin dans le couloir de Fun, bah n'hésitez pas, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va repeindre. C'est juste de la retouche. En fait, si vous avez du rose. Non, on va tout refaire. On va tout faire. Ouais, on va tout remettre. Moi, je à zéro. Qu'on là, fasse c'est un mieux. Grand logo, Mickaël, nos limites. Ouais. Hein, c'est tant qu'à faire, c'est nous qui finançons. Donc. Ouais, voilà, on va refaire, on va remettre à nos couleurs, on va mettre en mauve, en jaune, ça va être cool. Donc, n'hésitez pas, venez. Hein. Donc, alors, ce soir, t'as prévu un dossier pour la trottinette? Non, je vais essayer de faire avec ce que j'ai trouvé dans les poubelles hein, pour faire une piste convenable. D'accord. Parce que hier, on a fait le battle. J'ai battu Toff. Hein. Oui, c'est vrai. La vidéo va arriver. Je vais vous la mettre dès que je l'ai à dispo. Et puis ce soir, bah, vous allez de nouveau pouvoir choisir tout simplement entre Polo, Toff, moi ou Sandro pour faire la course dans le couloir. Et je rappelle que donc on est deux à jouer. Donc vous choisissez deux personnes et vous devez dire après dans les deux. Imaginons que vous choisissez Toff et Sandro. Vous devez après dire, eh ben moi je mise sur Sandro. C'est à ce moment-là Sandro qui doit faire le meilleur temps à trottinette en descendant les escaliers, tout le bordel dans le couloir de Fun. On filme tout ça bien sûr et on vous met ça à dispo pour gagner les trottinettes qu'on vous offre donc. Mais attention, quand on dit trottinette, c'est vrai qu'on peut se dire ouais, les trottinettes c'est quoi ces cadeaux à la con là. Mais c'est des trottinettes de compétition. Ouais. Trottinettes avec des petites têtes de mort dessus, elles sont bleues. Alors il y en a des bleues, ouais. C'est celle qu'on a, c'est la bleue. Il y en a également des noires et des blanches. Voilà, attends, je vérifie juste pour pas dire de conneries. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc on vous offre ça ce soir, c'est avec whiteboxshop.fr qu'on vous offre ça. On aura aussi des casques Beats by Dre et puis on aura la colle. On a de la colle maintenant avec Volodia qui est avec nous là. Salut Volodia. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va. C'est de quelle origine ça, Volodia? C'est un prénom russe. Ah, c'est russe. On dirait, c'est comme Veolia, les trucs de déchets. Ouais, c'est non, ça. On me l'a fait souvent. Da. C'est pas je te dire. Je suis pas russe, moi. Ah, t'es pas russe. Bon, bah d'accord, je me fais chier pour rien. Un personnage dans Harry Potter aussi. Volodia. Ah, c'est possible, ouais, je sais pas. Ah, il y a un truc comme c'est ça. C'est possible. Bon, alors, on va y aller. C'est parti pour la colle. Je rappelle qu'il y a un casque Beats by Dre qui est à gagner ce soir. Pour le gagner, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission, répondre à la colle que je vais poster dans quelques minutes. Ou alors envoyer un SMS. J'en reparle juste après ta colle. Volodia, vas-y, on t'écoute. Alors la colle c'est je brûle mais je sers tous les jours, qui suis-je? Je brûle mais je sers tous les jours, qui suis-je? C'est ça? Oui. Je brûle mais je sers tous les jours. Alors là. Autant hier c'était facile, autant là je sèche. Est-ce que dire la bite ça serait un peu abusé? Bah ouais, parce que tu proposes toujours ça. Note, un jour ce sera la bonne réponse. Ouais. Mais bon, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse avant minuit 30 et avant minuit 30, tu repartiras peut-être avec le casque Beats by Dre. Volodia, ça vaut 200 €. Il y a la photo de sur le Facebook, hein, si vous voyez pas à quoi ça ressemble. Il déchire, il est tout flashy. Salut Volodia, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Bon, Anthony, qu'on va récupérer. T'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas, toi? Ouais. Ouais. Ouais, mais déjà Avicii au pire. Avicii au pire, j'aime bien le au pire. C'est genre, bon, bah, si vraiment il n'y a rien d'autre, je prends l'Avicii, quoi, celui-là. Hein. Addicted to you. Ah, je vous cale aussi de Chucky, sinon, avec Skydive. Est-ce que tu connais Shinseka, Anthony? Non. C'est celui-là. Ah, c'est ce que je voilà, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah bon, on va le mettre tout à l'heure, alors sans problème. Et puis il y aura aussi Eric Arborès là. Avec Get Ready qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Bon, et Anthony? Ouais. Ah non, c'est Volodia qui est en train de raconter sa life là. Volodia? Oui. Ah, il raconte sa vie, c'est ce que je me disais aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, si vous voulez, vous aussi, balancer vos messages, n'hésitez pas. Le hashtag est Mickaël qui est là, évidemment, comme tous les soirs. Si vous voulez choisir vos titres, vous êtes les bienvenus. Il y a Manon qui dit dans Harry Potter, c'est Volodia. c'est pas Folodia, c'est Voldemort. Ah ouais, juste. Voilà. Il y a Erakaz aussi, j'ai jamais eu le droit à mon truc de bienvenue. Mon truc, c'est le message de bienvenue. Tu viens juste te boire ta gueule, t'as compris ? Ouais, je t'en mets un deuxième. Petit fils d'enculé. Voilà. Fils de putain, même. Voilà, Erakaz, bienvenue à toi, sors-toi. Céline qui dit bonsoir toute la team, et bah salut à toi, Céline. Camille qui dit enfin posé pour Mickaël, nos limites. Il y a la grosse chatte sur le Twitter également qui dit salut l'équipe, un petit message de bienvenue pour un nouveau. Et bah salut la grosse chatte. Tiens, en parlant de chat, je crois que les filles vont kiffer, je vais vous mettre. Alors attendez, faut que je le retrouve, hein. J'ai reçu une photo de chatons qui viennent d'arriver, alors c'est pour les filles. Hein. On va te faire foutre, connard. Voilà, donc ça c'est pour la grosse chatte. Je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques minutes, là, bougez pas. Et puis il y a Mix B43 qui dit coup de pelle pour moi, j'étais pas là hier. Bah bravo. T'as raté une grosse émission, Mix B43 là, hein, comme tous les soirs. Margot aussi, du 26, coup de déprime, j'espère que Mickaël et l'équipe me remontera le moral. Bah écoute, on est là pour ça, en tout cas on va tout faire pour. Et Nathan également sur le Twitter, j'ai prévenu tous mes potes qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et que c'est sur Fun Radio avec Mickaël. Cool Nathan, ça c'est bon ça Nathan. Pour la peine, tu as droit également à un message de bienvenue. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Voilà Nathan, merci pour ta bonté, ta générosité et tout ça quoi. Hein, c'était beau, voilà, c'était tout magnifique. Tout est dit. Adoré. Est-ce que tu suis un peu le foot toi Anthony? Non. J'aime pas le foot hein. Bon, et toi Volodia, tu suis un peu le foot ou pas? Pardon? Tu suis un peu le foot ou pas? Bah oui, ça m'arrive quand le PSG joue. Quand le PSG joue, d'accord, ok, très bien. Non, je parle de foot, bon, déjà parce que Benzema a quand même mis deux buts ce soir avec le Real Madrid. Hein. Donc deux buts, Ronaldo aussi, Gareth Bale aussi, on s'en fait six quand même au total. Hein, ce qui est ah pas oui, mal. Quand même. Oui, c'est pas mal. C'est... Bon, après, il jouait contre Schalke aussi, hein, donc ça aide un peu. Donc, je vous parlais de foot parce que je vais vous mettre une vidéo sur le Facebook très très fucking ouf. Comme dirait Jared Leto, sur le Facebook, je vais vous la mettre. Donc des joueurs de foot italiens qui refont la catapulte infernale d'Olive et Tom, le dessin animé là, je sais pas si vous vous souvenez. Mais alors pour ceux qui se souviennent pas, ou si vous connaissez pas Olive et Tom, bah allez voir sur le Facebook, je vais vous la poster dans quelques secondes. Du coup je me demandais, c'est quoi votre dessin animé préféré? Est-ce qu'il y a des super pouvoirs aussi que vous auriez bien voulu avoir ah oui. Qui sont dans les dessins animés et que vous auriez bien voulu avoir en vrai? Moi j'aurais bien voulu avoir la troisième main dans le chapeau de l'inspecteur Gadget. Ouais c'est ça, ouais, moi aussi je voulais être l'inspecteur Gadget. Pouvoir non, avec l'hélicoptère, avec l'hélice. C'est naze. Et les mains, il avait les super mains là pour aller attraper des trucs super loin. Les gars, vous êtes sérieux? Bon, go gadget à l'hélico. Tu commences à décoller. Ah ouais, alors le point pour le mettre dans la gueule de Toff. Non, moi je voulais être Cobra. Est-ce que vous vous souvenez de Cobra? Ouais. Ouais, mais c'est nul ça. Regarde, ça c'est la classe. Non, mais vous êtes sérieux? Et l'autre, c'est nul. Et là qui va là? C'est le Toff Gadget. C'est le Toff. Oh là, je suis là! Hey, Toff Gadget! Avec, tu sais, Toff il a un god là avec son ressort. Ouais, c'est ça. Go gadget au god! Puis t'as le truc qui sort, ça peut être pas mal. Anthony, toi, c'est quoi ton dessin animé préféré? Ouais, mon dessin animé préféré, c'est les Simpsons. C'est quoi, les Simpsons? Ouais, pas mal les Simpsons. Hein. Pas mal les Simpsons, t'aurais bien voulu être lequel? Le Simpson. Omar. C'est la version algérienne. Je voulais dire Bart et Omar, ça a fait Omar. Bon, ouais, Bart ou Omar? Bart, évidemment, bien entendu, le footeur de merde, évidemment. Hein. Et toi, Volodia, c'est quoi ton dessin animé préféré? Alors, c'est pas du tout, c'est genre que je regarde plus. Ah oui, bon, enfin, t'en as bien comme ça en tête, les Schtroumpfs. Je parie que tu regardais les Schtroumpfs. La panthère rose. Ah oh, putain, elle est pas mal la panthère rose. Ah non, merde, je l'ai pas là, je prends la panthère rose. Garfield, c'était pas énorme. Mal. Ouais, Garfield, c'était bien. Bah, dites-nous les autres, là, je vais vous poster ça dans quelques minutes. Bah, attendez, je vais le faire maintenant, là. Et alors, attendez, je vous le cale, on met en live, là. Hop là. Moi, je suis fan, c'est un mentor, pour moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. J'écoute toujours ce qu'il dit, c'est l'oncle Picsou. C'est une leçon de vie, l'oncle Picsou. C'est vrai, non mais c'est vrai. Le coffre plein de pièces. Oh putain, j'aurais kiffé nager dedans. Nager dans le coffre-fort de l'oncle Picsou. Ouais. Oh putain, ça aurait été bien ça. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Canardville. Tu crois qu'il a un gros coffre-fort, le boss de Fun? Bah oui, dans les chiottes là-haut. Ah, ouais, putain. Non, mais véridique, il y a un coffre. Non, allez faire une photo, je vais vous la mettre. Il y a un coffre-fort, un vrai, hein, putain, un truc en fonte qui pèse 1000 tonnes. Un coffre-fort dans les chiottes du bureau du boss. Ouais. En plus, c'est un truc, ça a l'air super simple au vrai parce que c'est juste une grosse clé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est violent. Super simple, tout ça. C'est pas, tu vois, enfin, je veux dire, d'habitude, tu vois les coffres-forts, il y a genre 4 combinaisons. Là, il y a juste une grosse clé à mettre. Là, c'est violent. Je vais vous la mettre dans quelques minutes. Volodia, reste avec nous. Anthony, t'es toujours là, donc tu vas pas bouger? Ouais, Bon parfait, bah reste là puisqu'on est au cœur d'une heure sans pub et on va se mettre le son d'Eric Arborès comme promis là avec Get Ready et je vais aller dans le bureau là du boss là pour aller regarder la. Ah non, c'est dans ses chiottes ouais, privées. Ouais, dans les chiottes privées du patron là pour voir que. Non mais il y a vraiment un coffre-fort, c'est quand même un truc de ouf. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, c'est parti, 23h13, bienvenue, c'est Mickaël, No Limit. On est là sur Fun Radio tous les soirs jusqu'à 2h et on est au cœur d'une heure sans pub avec le son d'Eric Arborès. Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. Oh putain, alors c'est bon hein. Bon, dès qu'il y a un petit peu d'oseille, vous savez bien comment ça se passe. J'ai trouvé le coffre. Ah. Voilà, donc je suis dans les chiottes privées de Jérôme, le boss de la radio. Non mais attendez, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que je suis monté par hasard, le truc est là. Attends, écoutez, je sais pas si vous allez entendre, je vais essayer de forcer. Non, on n'entend pas. Ah, super. Mais c'est du béton armé, hein, le truc. Ah oui. Ah oui, là on entend là, bien. On entend là. Ouais, on entend bien là. Non, c'est armé, hein. Mais Attends. Non, mais je suis sûr qu'un mec qui est un peu ouais. Qui s'y connaît un peu, c'est facile à braquer. Bon, j'ai fait la photo, je vais vous la mettre sur le Facebook maintenant, vous allez voir, c'est quand même assez exceptionnel. Le truc est énorme, c'est un vrai coffre. Donc si vous êtes braqueur, ouais, éventuellement. Non mais c'est vrai, si vous êtes braqueur. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Ça se trouve, il y a rien. Ouais, si ça se trouve, il y a ses lingots d'or perso, tu sais. Mais c'est ça se trouve, il y a tout l'oseille de la radio, là, on peut pas savoir. Donc bon, je vous mets la photo, je reviens dans le studio là, parce que c'était juste en dessous. Donc je vais vous mettre la photo, vous allez voir. Alors si jamais il y en a qui reconnaissent le coffre, genre ils en ont déjà braqué un comme ça, qui n'hésite pas. Hein. Ouais, ou un bon serrurier, il doit pouvoir se démerder ouais. Avec ça. Parce que ouais, c'est qu'une grosse serrure. Ouais. Oh quelle horreur, toi c'est à ma place. Ouais, je t'ai laissé 2-3 crottes de nez, ça te fera plaisir. Oh l'horreur. Oh la dégueulasserie. C'est vrai que tu putain. Je reprends ma place. Voilà. Donc c'est bon, alors on a le dossier, ça y est, c'est fait. Hein. Je vais vous le mettre là le temps de transférer ça sur l'ordinateur et je vais vous le poser. C'est quand même un truc de ouf qu'est ce coffre. Mais c'est dingue. Mais franchement moi je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Putain. Oh là là. Je suis sûr il doit y avoir des vieux doses, t'es. Je sais pas, franchement je sais pas, mais ça peut être énorme. Bon, la vidéo est mise hein, sur à propos du foot, là, celle dont je vous parlais, il y a quelques minutes. Vous pouvez aller voir sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Allez voir ça maintenant, il y a le Tanguy du web aussi, mon dessin animé préféré, c'est Dragon Ball Z. Et celui que je déteste le plus, ce sont les nouveaux Chevaliers du Zodiac, c'est trop nul. Ouais, on a eu un débat à ce sujet-là, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, comment vous dire, effectivement. Je peux concevoir que ça ne plaise pas. Oui. Je peux concevoir. Il ouais. Y a Baron Love aussi qui dit mon dessin animé préféré. Moi c'est Inazuma Eleven. Je connais pas. C'est, ça. C'est wow. Aussi sur le foot, c'est énorme. Brian Love, ça vient de là. D'accord, ok. Jordan aussi qui dit moi Barba Papa pour pouvoir se transformer en ce qu'on veut. Benji aussi qui dit pété de rire, Mickaël en direct des chiottes privées du boss de Fun. Ouais, bah oui, non mais c'est improbable. Abdou qui dit dessin animé préféré, moi. Tangu masqué me contredira pas. La Ligue des Justiciers, c'était ouf avec aussi Pokémon et South Park. Ah putain non, Pokémon, j'ai jamais pu. Hein. Et Benji qui dit moi le dessin animé préféré c'est American Dad plutôt. Devers 45 qui dit moi c'est Dragon Ball Z, je lookais aussi ça quand j'étais plus jeune, mais maintenant ce sont les Simpsons qui est quand même en termes de longévité au top hein, quand même. Ah bah oui. Ah putain ça fait 1000 ans que c'est là le truc des Simpsons là, c'est quand même assez improbable. Bon on va faire le top Twittos également ce soir. Mais oui. Le principe est simple, vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pour nous dire par exemple bah, quel est votre dessin animé préféré par exemple. Et si vous êtes numéro 4 ce soir du top Twittos à 2h du matin, la fin de l'émission, eh bien vous repartirez soit avec le sextoy, soit avec le t-shirt, sextoy offert par passagedudésir.fr. T-shirt comme un air de rock offert par comme un air de rock. Évidemment, voilà. Donc vous savez comment ça se passe. On aura également l'occasion tout à l'heure de faire le karaopé comme chaque mercredi. Ah. Le jeu du je t'emmerde également. Et puis retour avec Anthony maintenant donc. Alors Anthony, ouais. Est-ce que t'es toujours là? Ouais, t'inquiète. Le temps que je plote la photo, je viens de me rendre compte que la vidéo n'était pas passée non plus. Donc je vais vous la mettre là maintenant. Là, hop là, c'est fait. Bon, rappelle-nous un petit peu ton problème là pour ceux qui viennent de débarquer pour qu'on puisse t'aider en fait tout simplement. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ma meuf, elle me pose des questions cheloues et tout. Ouais. Sans moi, en fait. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu vas... Parce que tu expliques quand même super mal. Moi, mon problème, c'est que ma meuf, elle pose des questions cheloues sur moi. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle te demande d'aller demander à son ex... Enfin, elle te demande que tu ailles demander à son ex des trucs sur elle. Pour voir si, voilà. En gros, elle est toujours, si lui voilà. Est toujours en kiff sur elle. Voilà, mais je crois aussi que c'est à cause de moi en fait, parce que j'ai demandé pareil en fait. Ah oui, mais bon, après tu tends le bâton, mec, tu te fais battre, hein, c'est normal. Ouais. Bah oui, c'est logique. Mais tu lui as déjà dit. Bah pourquoi tu lui dis pas que t'as pas envie en fait? C'est pas plus compliqué que ça, non? Ouais, c'est vrai que. Ah bah ouais, tiens, ah bah, oui, j'y avais pas. Ah bah merci, Mickaël, tu m'as sauvé là. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai, dans toute simplicité, ça tombe, j'ai envie de dire, sous le sens. Abdou qui est avec nous également, là, qui a la science infuse, Abdou, n'est-ce pas? Non, j'ai pas la science infuse, mais ça. Ah, je pensais, mais... moi. Bah non. Oh merde, putain, tu m'as déçu, Abdou. Moi, je pensais que t'avais la science infuse et en fait, pas du tout. Que tu savais tout. C'est Abdou à l'assiette. C'est drôle. Oui, l'Abdou à l'assiette, oui, exactement. C'est moi. Exactement, exactement. Bon, alors, Abdou. Ouais. Bon, est-ce que t'as un conseil à donner à Anthony, toi, plus intelligent que le mien, par exemple? C'est-à-dire, il y a sa copine qui veut qu'elle fasse un truc, enfin, qu'il fasse un truc et lui n'a pas envie. Dire simplement, bah, je n'ai pas envie. Bah, tout simplement. Hein. Ah, bah, ça me paraît pas mal, hein, comme plan, ouais. Ça. Ça me paraît même pas mal du tout, c'est vrai ça. Bon bah du coup, il est parti tiens, je pense ouais, qu'il s'est rendu compte peur. En fait que. Il s'est dit je les ai appelés pour rien, je les ai rangés ouais, pour rien. Ouais ouais, à mon avis, ouais, je crois qu'il s'en est rendu compte, c'est vrai. Bon Abdou, du coup, toi tant que t'es là, t'appelles d'Essonne, t'étais passé à la radio il y a pas longtemps, Abdou, avec du gâteau là. Oui, d'ailleurs, t'avais, très bon d'ailleurs gâteau. T'avais abandonné l'assiette dans les studios. Ouais, bah c'est une erreur de ma part, mais en même temps mon cousin a oublié de me rappeler de prendre l'assiette. Ouais, genre c'est la faute du cousin. Bah bien sûr, oui. Bah, toujours. Bah bien sûr, évidemment. Bon Abdou, c'est quoi ton dessin animé préféré, toi? Moi j'en ai deux. C'était quand j'étais petit, il y avait la Ligue des Justiciers. La quoi? La Ligue des Justiciers. La ZIC? La Ligue. La Ligue. D'accord, ok. La Ligue des Justiciers, ouais. Et c'est quoi ça? C'est foot? Non. C'était avec en gros tous les héros de Marvel, un truc comme ça. Ah d'accord. Non. C'est des comics. Ça n'a rien à voir. C'est DC Comics. Attends. Marvel, c'est autre chose. DC Comics, c'est Batman, voilà. C'est oui, Superman, oui. Etc. Oui, d'accord. Et les Marvel, avec, c'est X-Men, c'est Spider-Man, etc. etc. D'accord. Iron bon, Man, là, etc. Ça, bon, et toi, tu kiffais ça, d'accord, okay. On ne mélange pas. Et quel est le... Pardon. Qu'est-ce que tu aurais bien voulu avoir comme... merde, comment on appelle ça de, comme pu, comme pu, pas puissance. Super pouvoir. Comme super pouvoir des super-héros. Super pouvoir, le pouvoir de voler. Ouais. C'est terrible, ça. Ouais, ou alors Spider-Man aussi, tu vois, c'est l'homme araignée ouais. Qui peut passer partout, s'accrocher partout. Ça peut être pas mal, ça, effectivement, ouais. Et un dessin animé de actuel C'est South Park. South Park, ouais, bah oui, ouais. Évidemment. Ferme ta gueule de merde, tu vas l'enculer. C'est déjà fini. Non, tu vas l'enculer. Il y a un enculeur, comment on fait un enculé comme toi? Toi l'enculé. T'es un enculé. Dormir ou bien manger, qu'enculé ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors? Tu viens ici, je te bois ta gueule, t'as compris? L'émission n'est pas finie, rassurez-vous, il est 23h24. Hein. Je trouvais qu'elle avait été super courte cette émission. Qu'est-ce qui se passe ici? Faut savoir que c'est notre générique de fin. Ouais. Ils sont canadiens. Allez, la finale. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes dessus, c'est toi l'enculé. Ferme ta gueule, enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. Eh ben ouais, donc South Park évidemment. Donc oui, c'est le générique de fin qu'on met vers 2h du matin hein, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter jusqu'à la fin d'habitude. Il y a 1337 Stan officiel qui dit j'allume la radio sur Inspecteur Gadget, sur le coup j'ai flippé. Merci de me faire kiffer. Oui, je peux comprendre. Nicolas, je vous adore, une petite journée de désespoir, je vous écoute, le sourire revient. Merci à toi et El Nino aussi qui dit moi c'est Amtaro, Galactics Football et Titeuf. Margot qui dit mon dessin animé préféré c'est L'étrange Noël de Mr Jack. C'est Naruto également pour Flavien et Serge qui dit sur le Twitter mon dessin animé préféré c'est Olivier Tom. Bah justement on va voir la vidéo que je viens de poster là sur le Facebook de l'émission. Hello également qui dessin animé préféré de l'époque les entrechats. Je kiffais le générique les super entrechats. Surtout Jeanne et Serge. Et alors Maïva qui dit ouais il y avait ça. Et mes dessins animés préférés c'est les Simpsons et Scooby Doo. Et à quand une émission ouverte au public pour Marine? Bah quand tu veux Marine, nous on est là, hein, t'inquiète pas. Ouais. Hein, suffit de venir. Hein. Pas plus compliqué que ça. On fait pas un public à chaque fois avec 150 personnes. Mais on est en mode mode à la cool. Si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus évidemment. Il y a Sloan aussi qui dit quand j'étais gamin, j'adorais Dragon Ball. Je contractais mes muscles devant la glace pour me transformer en Super Saiyan. Ça n'a jamais fonctionné. Bizarre, dis donc. Étonnant. Et Francis qui dit moi, mes dessins animés préférés, c'était Pokémon, Olivier Tom, les Contes de la Crypte et plus récemment Black Butler. Bise à l'équipe. Ouais, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Bon, ben merci Abdoulé de passer. Hein. Pas de rien, pas de soucis. Et tu reviens quand tu veux. Salut Abdou, à bientôt. Ok, salut. À ciao, bye bye. Yep. Bon, et puis les autres, venez nous dire vos dessins animés préférés et surtout qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme super pouvoir venant de dessins animés justement. Voilà, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous poste la photo du coffre-fort. Hein. Ah oui, le beau coffre-fort du patron. Pour voir s'il y en a un qui est capable de faire un petit braquage. Il est le bienvenu, hein, 20 rue Bayard à Paris. On est là dans le 8ème. Je vous attends. Évitez la dynamite parce qu'on veut garder l'immeuble entier en fait. Oui ou non, pas de dynamite. Hein, c'est en mode propre. On peut pas abîmer les murs hein, parce qu'on s'est déjà fait engueuler aujourd'hui. Oui, on peut pas abîmer tous les murs. L'autre note, les chiottes, c'est facile, c'est blanc. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile à réparer. Bon, je voulais vous demander combien de fois est-ce que vous voudriez faire l'amour par semaine. 7, 8, 9 non, fois. Mais non. Par semaine, si, ouais, une fois par jour quoi. Une fois par jour. Ouais, bon, pareil. Et bah, il y a une étude qui vient de sortir et selon elle, 70% veulent le faire plusieurs fois par semaine, normal. Seulement 10% voudraient le faire tous les jours. Eh ben je fais partie de ces 10%. Ah ouais, qui voudraient, hein, parce qu'en la réalité... Oui. Et il y a 10% qui sont heureux avec un seul rapport par semaine. Ah oui, non, ça... Enfin, voilà. En même temps, il faut bien s'en contenter parfois. C'est sûr, bah quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, venez nous dire combien de fois vous voulez faire l'amour par semaine et surtout combien de fois vous le faites. Et Tof, du coup, tu vas demander à tes amis comment ça se passe chez eux. Ah bah évidemment, avec plaisir. Eh ben parfait, on fait ça comme ça maintenant sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous débarquez, passez le message autour de vous. On est là tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est Mickaël, No Limites, grâce à vous. On est là le dimanche également de 20h à minuit. Et puis, bah on est là avec dans quelques minutes. Quand quelques minutes, le jeu du je t'emmerde, c'est Quentin et Julien qui vont jouer. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limites, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est 23h28 sur Fun Radio. Tu en avais demandé tout à l'heure avec Anthony, là qu'on n'arrive plus à joindre d'ailleurs au passage, de Shinseka sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. Ah non, pas encore, c'est au cœur d'une heure sans pub. La nuit sans pub, c'est tout à l'heure. C'est du berceau au linceul sur Fun Radio. Bonne nuit. Du berceau au linceul, je me perds dans ma life. Ouh. Du berceau au linceul. Voilà le son de Shinseka à l'instant sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limites. T'as à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, 23h32 avec Loli. Attends, c'est quoi? C'est Loli Lola qui a envoyé son message aussi sur le Facebook. Moi, mon dessin animé préféré, c'est Bob l'éponge. Première fois que j'écoute l'émission et j'adore déjà. Bisous à l'équipe. Et ben, gros bisous, Loli Lola. Fabien également qui dit les anciens chevaliers du Zodiac, Ken le survivant, Jace et les conquérants. Et les conquérants de la lumière, pardon. Les Simpsons et Goldorak. Et alors Jean-Michel qui dit moi, j'aimais bien. Cosmo 4 et Tom Sawyer, Leito aussi, j'aurais bien voir la vision Rayon X pour les meufs à poil. C'est clair, et grave. Il y a Lucky aussi sur le tweet, sur le Facebook, il dit j'aimerais avoir comme pouvoir quand on pète on décolle. Oui c'est vrai ouais. Il y a Jojo 78 qui dit moi par jour j'irai 5 fois pour faire l'amour. Hello Nicky Larson, l'oubliez pas quand même. Oui c'est vrai qu'il y avait Nicky Larson effectivement. Il y avait Lucky Luke aussi, on en a pas parlé. Ouais. Alexandra, je peux avoir un message de bienvenue, bien sûr Alex, avec plaisir. Attends, je vais te mettre. Qu'est-ce que je vais te mettre au hasard, je m'arrête là. Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, c'est peut-être pas le plus violent non plus. Moi, je... Où tu voles, espèce de pervers. Voilà, Alexandra. Je reste quand même sur Albator et sur Cobra, quoi. Ouais. Et le mec, ouais, c'est un pirate de l'espace. Ouais. C'est un truc de ouf. Moi, oh j'adore. Là là, il y a Laura sur le Twitter. Moi, le dessin animé que j'aime, pardon. Juliette, je t'aime ou le roi lion. Juliette, je t'aime. Oh putain, ça c'était Juliette, dur. Hein. Et Dilek, je suis la preuve vivante que l'étude qui montre que Bob l'éponge rend les enfants idiots. Je vous raconte. Bah, bien sûr, Dilek, appelle-nous. Il est à 01 42 48 5000. Et si t'es en Belgique, 02 851 4x0. On va en parler avec plaisir. Il y a Margot qui m'a fait un mail également. Moi, mon dessin animé, c'est Turbo. Il vient de sortir en DVD. Bisous à toute l'équipe. Ben merci Margot d'être passé, je te fais des gros bisous à toi. On va également se faire les appels de Tof, on va faire le je t'emmerde avec Quentin et avec Julien. Mais d'abord, justement, les appels. Les appels de Tof, comme chaque soir, vous le savez, on appelle des gens au hasard, des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et donc, la question qu'on avait posée tout à l'heure, donc il y a une étude qui vient de sortir et selon elle, 70% veulent le faire plusieurs fois par semaine. Seulement 10% voudraient le faire tous les jours. On parle d'une relation sexuelle, bien sûr, mais il y a 10% qui sont heureux avec un rapport par semaine. Et donc, je voulais savoir, vous, comment ça se passait, hein. Vous faites l'amour combien de fois par semaine et surtout, combien est-ce que vous aimeriez bien le faire? Donc, on va appeler des gens pour leur poser la question. Mais oui, allons-y. Eh ben, écoute, allons-y, appelons, mes amis. Eh ben, j'ai envie de dire allons-y, alors c'est parti. Et on fera le je t'emmerde juste après avec Quentin et Julien. Ils sont déjà dans le standard, tout prêt. Allez. Alors. Oui, bonsoir madame. Oui, c'est pour. C'est pour savoir combien de fois vous faites l'amour par jour. Par semaine, pardon. Vous avez que ça à foutre à cette heure-ci ? Oui, tout à fait. Ouais, bah moi non. D'accord, mais ça répond pas à ma question, ça, madame. Bah non, vous me faites chier, là. Mais pas du tout, madame, enfin, je vous pose juste une question. Eh, vous oui. gonflez, là. Bah attendez, madame, ouvre la bouche, ça va sortir, hein, si ça vous gonfle. Allez, parti. Je m'attendais à une réponse. Bah moi aussi, bah, mais ouais, non. Mais non, en fait, bon. Elle a pas décompressé. Non, non, apparemment pas. Bon, on va la rappeler, c'est parti. Oui. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais a priori elle était un peu gonflée, enfin elle avait des ballonnements. Du coup ça a coupé. Bah vous avez ça à foutre là ? Bah oui, parce que moi je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour avec votre femme, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Bah c'est juste pour savoir, monsieur, c'est pas la peine de s'énerver. Ouais, bah c'est bien, bah y en a qui ont des enfants et les enfants ils ont école demain. D'accord. Donc, si vous avez rien à foutre, il y en a d'autres qui ont quelque chose à foutre. Vous m'excusez, mais je vois pas le rapport avec ma question. Mais votre question, on en a rien à branler. Alors tu vois le numéro, tu l'effaces et tu me casses pas les couilles là. Vous croyez que quoi, on n'a pas une vie privée nous, on n'a pas autre chose à foutre là. Alors maintenant tu raccroches et t'arrêtes de me casser les couilles là. Mais oui, mais vous voulez pas répondre à la question plutôt, vu de vous énerver pour rien, monsieur. Non, il a pas envie de répondre à la question là, il préfère s'énerver pour rien. On va donc le rappeler. Je vous ai mis la photo du coffre-fort hein, sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Ouais, tapez, très belle pièce. Oui, tapez Amical officiel s'il y en a qui arrivent à l'ouvrir. Mais vous foutez de ma gueule là ou quoi là ? Vous avez eu nos numéros où là ? Bah, sur les pages jaunes, monsieur. Mais en fait, non, parce que c'est pas la peine de s'énerver, monsieur. Hein. Vous répondez juste à la question et ça va aller. Mais pas répondre à la question là, va te coucher, arrête de faire chier le monde là. Mais... va trouver un autre numéro sur les pages jaunes à appeler et puis casse pas les couilles. Non mais monsieur, calmez-vous, c'est pas la peine de... Oh bah si, c'est la peine de s'énerver là, apparemment. Bah non, là. Pas du bon. Tout. On le rappelle encore une fois, allez. Ah oui. Oui, monsieur, c'est pas très gentil de vous énerver comme ça. Eh, mais t'as rien de ta foutre, là. Déjà, sur les pages jaunes, c'est impossible que t'aies eu les numéros sur les pages jaunes. Alors maintenant, tu veux savoir combien de fois je baise ? Bah oui. On va demander à ta mère combien de fois je la nique par jour, connard. Et arrête de me casser les couilles, parce que, c'est quoi ? Si t'as une paire de burnes, t'habites où, là ? Moi, j'habite Paris, monsieur. T'habites Paris ? Eh ben, viens à Vichy. Viens sur Vichy. T'as 4 heures de route, viens, on se donne rendez-vous sur Vichy. Et on va voir, le Parisien, ce que je vais en faire, connard. Et on alors maintenant, on va dormir et arrête de casser les couilles aux gens. Et on se alors oublie les numéros. On se fait une petite courte... Tu peux habiter Paris, Marseille, j'en ai rien à foutre. Moi aussi, j'ai de la famille à Paris, connard. Tu veux que je t'en envoie de la famille à Paris ? Bah, alors si... maintenant, on va dormir et fais pas chier. Si vous voulez, mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt ? Non, je réponds pas à ta question de merde, là. Demande à ta mère. Elle va te répondre, connard. Mais... parce que ma mère n'a jamais été à Vichy, monsieur. Ah oui, mais il s'en fout apparemment. On le rappelle encore une fois ? Oh, une dernière pour la route. Bon allez, il avait l'air en pleine forme en plus sur la fin là. Ah j'ai rien à foutre, j'ai la famille à Paris moi aussi. T'as rien d'autre à foutre là ? Mais non monsieur, mais je trouve qu'il faut pas le prendre comme ça. Moi je vous appelle gentiment, je vous parle gentiment. Mais moi je vous ai parlé gentiment au début, je vous ai dit j'ai des gamins qui dorment, demain ils ont école. Et moi j'ai pas que ça à foutre. Alors maintenant, si t'as une paire de couilles, déjà faut pas avoir des burnes pour appeler en privé. Mais hein ? Je vous donne mon numéro monsieur si vous insistez. Tu donnes mon numéro, bah alors déplace-toi si j'insiste là, déplace-toi. Bah c'est un peu. Viens, ramène-le ta gueule. Ramène-la ta gueule, tu l'as eu comment mon numéro là, celui de ma femme là, vous l'avez eu comment ? Bah dans le. Sur les pages jaunes, c'est impossible, alors ferme ta gueule. Bah qu'est-ce que vous en savez, monsieur ? Vous avez vérifié ? Ouais, j'ai vérifié, ouais, ma femme elle a vérifié, alors qu'est-ce que tu nous fais chier là ? Bah moi je vous fais pas chier, monsieur, je veux juste savoir combien de fois vous faites l'amour avec votre femme. Mais va te faire enculer. Voilà, t'as compris. Demande à ta maman ou demande à ta copine si t'en as une là, ou à ton mec là. Dis-y qu'il t'encule, on aura la paix là pour ce soir là. Qu'est-ce que tu me fais chier là ? Mais non mais monsieur c'est pas très gentil ce que vous dites là. Mais connard, va te faire enculer, tu sais quoi ? Va te faire sodomiser par le grec ou par qui tu veux. Ou alors déplace-toi, viens à Vichy, je te donne mon adresse et je t'encule moi. Moi je vais t'enculer moi proprement moi. Mais pas avec ma queue, connard. Tu vas voir, moi j'ai des trucs pour te la mettre dans ton cul moi. Vous pratiquez alors, vous êtes sadomaso, monsieur ? Non, je suis pas sado, mais tu vois, le canon de mon fusil, je vais te le carrer dans le cul. Et je vais t'exploser, ton cul sentirait. Je vais pas user une cartouche avec ton trou de balle. Alors maintenant, fais pas chier ou ferme ta gueule. Et arrête de faire chier les gens. D'accord, mais je peux parler sans vous faire chier peut-être. Non, bah non, visiblement c'est compliqué. Alors maintenant, donc, alors maintenant c'est tu vas chier ou tu fermes ta gueule. Voilà. C'est un choix, il y a un moment faut se décider quoi. Ouais, je peux pas faire les deux. Non, on peut pas faire les deux, c'est impossible. Bon, on en appellera d'autres hein, si vous connaissez d'autres personnes aussi motivées que celle-là. On l'a fait, on est pas mal, on a bien démarré la soirée là, elle est pas mal. Elle est plutôt pas mal. Non, il était en forme, ouais, il était bon. Bah vous envoyez les numéros de gens encore debout à cette heure-ci donc pour qu'on les appelle dans moins d'une heure sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Il y a Dédé qui dit il est bon ce mec là après avoir été wanted à Corse, il va être wanted à Vichy. Ouais. Exactement Dédé, tout à fait ouais. Bon bah, venez nous rejoindre aussi sur le Twitter de l'émission hein. On est de plus en plus nombreux également. Vous tapez simplement MIKL_, c'est le petit tiret en bas, MIKL_officiel. Vous me faites un follow et je vous ferai un follow également à mon tour avec plaisir. On va récupérer, on va prendre Maeva dans quelques minutes. Mais avant ça on va jouer avec Quentin et Julien qui vont couper leur radio. Eh oui, ils vont couper leur radio. Qui c'est qui avait la radio? C'est Julien. Ouais, Julien, Sandro, elle t'avait pas dit aux antennes de couper ta radio? Si, mais ouais. Je suis pas gentil. Voilà, d'ailleurs, tu viens d'avoir une claque, ça commence bien. Bon. Non, c'est moi qui me suis bouffé, c'est pas pareil. Oh. Hop. Deuxième pour avoir répondu. C'est très mal. Et la prochaine fois, c'est un coup de pelle, alors attention. Bon, Julien et Quentin, donc Quentin qui appelle de Beauval. De Beauvais ou de Beauval? Beauval. De Beauval en Picardie. Et puis Julien qui lui appelle de Franche-Comté à Belfort, évidemment. Très bien. Et bon. Ouais. Quentin, Julien, on va jouer ensemble maintenant. Vous allez pouvoir, vous allez devoir plutôt être meilleur l'un que l'autre, évidemment. Vous allez donc appeler, on va appeler des gens au hasard. Le but, arriver à placer un maximum de « je t'emmerde » dans une phrase cohérente. Donc pas dire « je t'emmerde ». Vraiment, placer des « je t'emmerde » et non pas « je vous emmerde » ou n'importe quoi. Donc c'est « je t'emmerde » ou « je t'emmerde ». Voilà, les deux seuls mots qui seront comptabilisés. Qui veut commencer? Bah, comme tu veux. Comme je veux. Je laisse commencer. D'accord, bon, on va commencer par Julien du coup. Allez, c'est parti, quand elle avait bien compris. On y va, c'est parti Julien. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Et au maxi, et puis tu fais un maximum de je t'emmerde et tu gagnes, peut-être. Vas-y Julien, bonne chance. Merci. Allez, on y croit. Allô. Oui, bonjour, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce que ça fait quelques jours que je reçois des SMS et des appels de votre téléphone qui me dit « je t'emmerde ». Donc chaque heure, chaque matin, je reçois « je t'emmerde ». Après, on m'appelle au soir « je t'emmerde ». Donc c'était pour savoir pourquoi je recevais tous ces « je t'emmerde ». Bon, ça commence à être un petit peu chiant de me bombarder de « je t'emmerde » comme ça. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, mais alors pas du tout. Ah bah si, je peux vous dire que je reçois plein de SMS qui disent « je t'emmerde », des appels « je t'emmerde ». Quand je dis qu'il est à l'appareil, on me dit je t'emmerde et ça raccroche. Donc moi, si je t'emmerde, ça commence à m'énerver, quoi. Bah, j'appelle jamais avec ce téléphone. C'est mon fixe. Je sais même pas d'où vous avez ce numéro, étant donné que je le donne à personne. Bah, j'étais dans mon journal d'appel et c'est là où j'avais reçu tous les je t'emmerde. Les je t'emmerde en SMS et je t'emmerde en appel. Ah, d'accord. Donc c'était pour savoir si c'était vous qui envoyez tous les je t'emmerde par SMS, par appel, des je t'emmerde et... Bien sûr que non, c'est pas moi, mais je suis seul à habiter ici, donc je vois pas qui d'autre ça peut être. Alors, je sais pas pourquoi tous ces je t'emmerde. Il est parti. Alors combien Tof? 13. Ah, 13, bon, pas mal, bon, hein. Pas mal. T'as bien joué Julien. Quentin, à ton tour, on y va, on appelle. Ouais, d'accord. Bonne chance Quentin, 13 à battre pour être tranquille pour la deux, pour la seconde partie après la pub. On y va. Et je vous cale Chucky aussi, juste après avec Skydive, hein, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Il y aura la nuit sans pub à suivre également. Et ça décroche pas pour Quentin, merde. Bon, j'appelle un autre. Ouais. J'appelle un autre, tu la décroches pas, c'est pas grave, on y va. Allez. On y croit. Allô. Bonjour monsieur. Lucas? Allô? Je reçois des lettres de votre part. Allô? Allô, monsieur. Oui? Je vous appelle parce que ma mère reçoit des lettres de votre part. Pardi, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Pardi. Il y a votre numéro de téléphone dessus. Non, pauvre ami. C'est écrit « Bonjour madame, je t'emmerde, comment vous allez ?» Non. Il est déjà parti. Est-ce qu'il nous en fait un ou... Ouais, allez, on va compter un là. Bon, bah bouge pas, Quentin, Julien, bougez pas. Je vous cale le son de Skydive dans un instant. Ce sera donc Chucky avec Skydive dans un instant sur Fun Radio et la nuit sans pub et la suite également du Je t'emmerde juste après ça. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, on y fait 23h48, c'est parti. Il n'y a plus de pub maintenant sur Fun Radio. Plus de pub et bah que vous, hein, si vous voulez nous appeler 01 42 48 5000 où vous soyez en France, appelez-moi maintenant. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël suivi de votre message au 64 900 et également jouer pour gagner votre casque Beats by Dre. Il faut répondre à la colle de Volodia, je brûle mais je sers tous les jours, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900. Et puis apparemment bah, pas encore de bonnes réponses sont arrivées, en tout cas on les a pas vues encore. Donc si vous avez la bonne réponse, on les cherche, peut-être on les pour vous, bah ouais, peut-être pour vous justement, le casque Beats by Dre. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Mickaël a la réponse au 64 900. Et si vous voulez lire la colle et y répondre, vous pouvez également nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Je vous avais promis le son de Chucky avec Skydive. Bah ça va arriver dans quelques minutes. Pour ceux qui connaissent pas, bah écoutez à quoi ça ressemble, c'est ça là. Voilà, Skydive, Chucky, ça va arriver dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, donc restez bien là. Alors je vous ai mis la photo également du coffre de Jérôme, hein, le boss de Fun, là, qu'on a trouvé dans ses chiottes, c'est quand même un truc de ouf. Un très joli coffre. Un très joli coffre, ouais. Et alors il y a Amro qui dit, c'est quoi à droite de la poignée sur le coffre? Alors attends, je vais regarder parce que je vois quoi quand il me parle. À bah, droite. C'est le trou pour la serrure. Ah oui, il y a, bah, y a juste une poignée, le côté effectivement, c'est pour mettre la clé, ouais. Il y a Abdou qui dit, à force de faire chier, la France va être obligée de s'exiler avec son plastic bag. Il y a de fortes chances. Amel également qui dit, surtout pas tous les jours, après ça devient chiant, il n'y a plus de plaisir, moi je préfère 3 à 4 fois par semaine. C'est pas mal aussi, Amel, c'est par rapport au nombre de fois où vous aimeriez bien faire l'amour par semaine. Julie qui dit, moi mes dessins animés préférés c'est les mystérieuses Cités d'Or et Tom Sawyer. Il y a Guillaume aussi avec un O donc qui dit les vieux dessins animés genre Tom et Jerry, Bibi le Coyote, ah ouais j'adorais, Scooby-Doo, Shrek, le super pouvoir serait l'armure de Iron Man, j'aimerais bien voir. Et puis Mathieu qui dit aussi sur le Twitter, moi mon dessin animé que préféré donc que j'aimais c'est Olive et Tom, la base du foot. Bah on en parlait justement hein, puisqu'il y a des Italiens qui ont essayé de refaire pareil qu'Olive et Tom, la catapulte infernale. Il y a la vidéo qui est à voir sur le Facebook de l'émission, donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Priscilla qui dit Princesse Sarah, j'adore, trop bonne leçon de morale. Et puis Maëly sur le Facebook qui dit, mon frère voudrait un bon message de bienvenue et un coup de pelle car il ne vous a pas écouté depuis une semaine et il vous fait de gros bisous. Eh ben bravo Maëly, bravo à lui, là. Coup de pelle évidemment avec grand plaisir. Voilà, vous savez bien qu'il suffit de demander. Et puis un message de bienvenue, je vais mettre celui-là au hasard. Oh, il est pas mal. Il est pas mal, il est il pas est mal. Il est court, il passe crème. Il est court, il passe crème, il exactement, ouais, complètement, complètement. Bon, allez, balancez vos messages, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Venez nous parler du nombre de rapports que vous aimeriez bien avoir en une semaine. Est-ce que, eh ben, un, ça vous suffit, comme 10% des gens? Est-ce que plus c'est mieux? Est-ce que vous préférez moins? Combien vous en avez? Moins d'une fois par semaine, c'est chaud quand même. Ouais, bah, mais moins d'une fois par semaine, ça dépend. Bref, ça use la bite. Ah oui. Bah, comme disait Amel, après, effectivement, t'as peut-être moins de plaisir. C'est moins chiant. Ça devient la routine. Ouais, ouais, peut-être. Faut voir, hein, si tu fais ça trop souvent, il y a un moment, ça doit te saouler, je pense. Hein. Bon, on va récupérer Volodia pour la colle dans quelques minutes. Et puis, on va parler avec Maëva avant de récupérer Quentin et Julien pour faire le je t'emmerde. Maëva ? Allô ? Comment vas-tu, ma belle ? Ça va, Mickaël ? Bah oui, une petite bordelaise, Maëva. C'est ça, Gironde. Eh oui, la Gironde, exactement. Bon alors, Maëva, de quoi on parle avec toi ? Bah en fait, je voudrais parler, en fait, parce qu'en fait, j'ai mon copain qui est militaire. Ouais, tu aimes bien les uniformes, les mitraillettes, tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, on a bien compris, t'inquiète pas. J'aime les hommes d'autorité. Exactement. Enfin, quoique, des fois, c'est moi qui ai l'autorité, non ? Ah ouais, pas mal, c'est bien. Tu as bien raison, ne te laisse pas faire. Quel grade il a chez les militaires ? Il est caporal. Ah ouais ! Garde à vous ! Je sais pas ce que c'est, caporal. Hein ? C'est dans... caporal. Non mais je veux dire hiérarchiquement. C'est bas je crois. Oh, c'est pas très haut. Ouais. Hein. Ah c'est pas très haut, mais gardez-vous quand même. Non, c'est vraiment en bas quoi. T'as caporal chef, après t'as adjudant. Bah t'as le soldat, le bidas, t'as le caporal, ouais, caporal bidas. Chef, t'as le sergent. Voilà. Et garde à vous. Hop. Voilà. Tu voulais nous parler des militaires donc ? Voilà, parce qu'en fait... Non, caporal, c'est minable. Bah oui, hein, je viens de le dire. Te dis, ah non, mais c'est il a rien écouté de la conversation. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est au début. T'as les bidas, et puis après, t'as le truc au-dessus. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon, alors du coup... Oui. Et donc toi, il perd quand même son temps à aller vérifier tout le bordel pour voir. Mais ouais, j'aime bien te le dire. Voilà, en plus, elle vient de le dire. L'autre, il a perdu son temps à y regarder en même temps. Bah, ouais. Wikipédia, ça m'a pris 10 secondes. Ouais, ouais. Bon, alors vas-y, du coup, qu'est-ce qui t'arrive, toi, Maëva? Mais en fait, il est souvent absent, en fait. Ouais, là, bah oui, oui. Comment? Je dis, bah forcément, ouais. Ouais, là, il est en Afrique centrale. Et puis, d'ici quelques mois, en fait, il compte repartir au Liban. Donc, du coup, je viens juste d'avoir un petit garçon. Et donc, en fait, c'est très compliqué bah, en fait, de se voir, quoi. Parce qu'on a une, enfin, on a un appartement, il y a des travaux à faire. Et en fait, on n'arrive pas trop à passer du temps ensemble. Et c'est vraiment dur, en fait. Bah, j'imagine. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans et tous les ans, à peu près, il part, quoi. Ah oui, bah oui, oui, bah c'est ça. Il fallait. Hey, en même temps, t'es sorti avec un militaire, hein, Maëva. Ouais, mais au bout d'un moment, il va rester à la maison. Ouais, bon, enfin bon, ça, c'est pas tout de suite, hein. Non. Comment? Tof disait au bout d'un moment il va rester à la maison, mais ça va pas être pour tout de suite, hein, la maison là. Non, il en a encore, disons, pour 11 ans. Ah ouais, bah oui, c'est ça, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, effectivement. Non. Bon, bah il va rester avec nous, on va demander, tiens, est-ce que vous avez déjà fait des relations longue distance? Enfin, c'est pas vraiment longue distance, parce qu'au final, il revient de temps en temps quand même. Oui, mais il repart très vite. Ouais, bon, bah si, alors c'est longue distance. Bon, est-ce que vous avez déjà fait ça encore... Comment? Non, je te demandais, est-ce que vous avez déjà fait des relations longue distance? Ben, on va en parler dans quelques minutes. Et si vous avez des conseils, si vous êtes déjà sorti avec un militaire, comment ça se passe? 01 42 48 5000, appelez-nous. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tu restes avec nous, Maëva? Ok, pas de soucis. Allez, et c'est quoi ton dessin animé préféré, Maëva? Comment? Ton dessin animé préféré? Superman, enfin j'aime bien. Superman, d'accord. Et combien de fois tu fais... Bah, j'avais posé des questions bêtes, combien de fois tu fais l'amour par semaine? Mais vu qu'il est pas là, à mon avis, pas souvent. Mais combien de fois est-ce que tu aimerais faire l'amour par semaine? À peu près, tous les deux jours, quoi. Tous les deux jours, c'est mais ça. Un jour pour se reposer, un jour pour niquer. Mais quand t'es pas là, quand il est pas là, après, tu fais comment? Trop souvent, après, c'est, voilà, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, je trouve, il n'y a pas de plaisir. Oui, ouais, voilà, c'est ça, ouais, trop souvent, ouais. Et sinon, t'as toujours un petit god qui traîne quelque part quoi, pendant qu'il est pas là. Non, c'est pas trop mon truc, ça, mais bon. Donc, pendant qu'il est pas là, tu fais rien? Comment? Pendant qu'il est pas là, tu fais rien du tout? Et non. Même pas un petit plaisir solitaire? Et non. Bon, enfin, c'est con, ça. Je regarde de temps en temps un film porno. Ah oui, quand même, d'accord, ok, très bien. Parfait, bon, heureusement, Maëva, parce que c'est bizarre, les gens qui se touchent pas du tout, tu vois. Oui, c'est genre. Genre il y en a qui disent ah oui c'est sale, mais non c'est pas sale, au contraire. Non, comme disait un vieux sage, ce n'est pas sale, tu découvres ton corps. Ton corps change. Exactement. Bon, reste avec nous Maëva, on va récupérer Quentin et Julien en attendant. Quentin, Julien, vous êtes là? Ouais. Avec un score très serré, puisque Julien a fait 13 je t'emmerde dans un seul appel. Et Quentin en a fait un. Bravo Quentin. On l'a validé pour lui faire plaisir. Ouais. Parce que bon, parce il qu'on était, est cool. Il avait déjà raccroché, mais enfin bon, allez. C'est comme quand tu mets ton nom à l'école, on te met un point pour. Ouais, t'as un petit point. Bon, et du coup, Quentin, oui, ça m'étonne pas. Quentin, tu vas commencer maintenant? Ou le Julien? Ouais. Non, Julien, il avait gagné tout à l'heure, on va le faire continuer maintenant. C'est parti, Julien, on appelle, le principe toujours le même, il faut absolument balancer un maximum de je t'emmerde dans une conversation cohérente, mais attention! Au deuxième appel, on ne peut pas utiliser le même sketch qu'au premier. Oh merde! Ah oui! Eh oui! Ah oui! Donc pas de. J'ai reçu un message, j'ai reçu un courrier, blablabla, bla, bla, il faut trouver autre chose, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus de musique en dessous, là, en dessous de toi, eh ben tu dis allô, c'est parti, on y va. Bonne chance, Julien! Merci. Ah, c'est emmerdant quand on change les règles comme ça. Hein. Parce qu'il avait préparé le fait de faire exactement le même délire et en fait, bah non. Et bien sûr, c'est valable pour Quentin également. Allez. On toujours la poisse avec le je t'emmerde, c'est quand même exceptionnel. Bon, ben on va appeler à l'autre. Hein. Bah ouais. Bah ouais, là pour le coup, c'est pas de bol, c'est pas grave, ça arrive. On y va, c'est parti, Julien, bonne chance. Merci, x2. Eh oui. Allez. Puis on aura la collègue Volodia aussi. Eh bon, c'est qui là? Ouais, bonjour monsieur, déjà bonsoir. Et je vous appelle parce que sur Facebook, j'arrête pas de recevoir des je t'emmerde à toutes les heures dès que je me connecte. Et donc j'ai vu vos coordonnées sur votre Facebook. Et donc je suis venu vous appeler parce que des je t'emmerde dès que je me connecte. Quand je me connecte le midi, des je t'emmerde. Le soir, des je t'emmerde. Ça commence à saouler les je t'emmerde quoi. Là, il n'y a pas de t'emmerde qui tienne, là. Tu arrêtes de me faire chier et tu vas raccrocher ça tout de suite, sinon ça va aller très loin, d'accord? Je t'emmerde à toutes les heures. Ça va aller très loin, ok? Donc vous allez vous calmer tout de suite, voilà. Tu sais pas à qui tu parles, là. Ok. Donc c'est tu vas arrêter avec tes potes de me faire chier. Tu m'appelles plus jamais. D'accord. Bah, tu m'envoies plus jamais de messages sur Facebook. Non, j'espère que c'est clair pour toi, d'accord. Tu sais, tu sais qui c'est que t'as appelé là. Tu sais qui c'est que t'as appelé. Non. Donc franchement, ferme ta gueule. Bah, c'est tu m'appelles plus, d'accord. On veut savoir. Tu fermes ta grande gueule, petit con. Tu fermes ta gueule et tu m'appelles plus. Allez, ta gueule. Je t'emmerde par ici, je t'emmerde par là. Alors combien? 9. 9. Alors attendez. Attends, on va le rappeler parce que moi je veux savoir chez qui on a appelé. Hein. Hey, Julien, tu le rappelles pour lui demander au fait chez qui j'ai appelé. Ok, ça va. Allez, vas-y, je te mets un point bonus. Merde, c'est lequel? Ah oui, c'est celui-là, 4. Numéro 4. Attends, rappelle-le Julien. Je te mets un au fait, bonus. C'est qui que j'ai appelé en fait? Parce que je sais toujours pas. Vas-y Julien, sois bon. T'inquiète. Bon, l'autre, il aura peut-être plus les couilles, il va plus décrocher. Bonsoir. Oui bonsoir, en fait j'ai pas compris, vous êtes quoi en fait? Parce que j'ai pas entendu. Comment ça je suis quoi? Bah je viens de vous appeler, vous m'avez dit que c'est pas à qui tu parles. Mais pourquoi tu nous appelles là? Bah parce que j'ai reçu des je t'emmerde sur mon Facebook, je vous l'ai dit ça. Comment? J'ai reçu des je t'emmerde sur mon Facebook. Oui ça c'est quoi le rapport là? Bah c'est plus le même. Bah je viens de vous appeler en vous disant que sur mon Facebook. Sur mon Facebook, j'avais reçu des je t'emmerde, me connectais, j'avais des je t'emmerde toutes les heures, des je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là, je voulais que ça s'arrête, quoi. Et j'ai vu votre numéro sur votre compte, quoi. Non, mais... Putain, je crois que c'est le frère ou le père. C'est de la merde. Ah, il est là, il arrive. C'est de la merde, vas-y, tu te fermes ta gueule et t'arrêtes de nous emmerder, d'accord? Allez, ouais, bisous, dis-moi, bonsoir. Si tu m'as dit que tu sais pas à qui tu parles, moi je veux savoir à qui je parle. Ferme-la. Tu sais bah, elle est couille de dire qui t'es, elle est couille de dire qui t'es. Tu mais dis bon, tu bon, qui parle, elle est couille de dire. Et t'as quel âge toi? T'as quel il âge, veut pas gamin dire hein. Gamin, tu devrais rentrer dans les jupons de ta mère et arrêter de nous emmerder. Rappelle pas gamin, mets ta couche et va au lit, ok? Ok, bah attends, moi c'est pas mon père qui décroche. Ah, t'es bon, Julien, t'es bon. On va le rappeler parce qu'on sait toujours pas qui c'est hein. Putain je suis emmerdé là. Bon vas-y Julien, tu dis ouais mais qui c'est qui me parle? À qui je parle? Énerve-toi là. Parle-lui mal, tu dis attends, t'es sérieux là? T'as pu décrocher là. 30 secondes qui vont suivre, j'appelle les flics, ok? Parfait. Ok, d'accord. Mais alors maintenant tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce que j'ai appelé les flics. Tu me le dis, c'est fini. Je ne te dirai pas à qui tu parles. Je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, j'appelle les flics. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oui, allô? Je sais pas ce qui se passe monsieur, je viens d'être harcelé au téléphone par un numéro qui s'affiche comme inconnu et là je viens d'être mis en relation avec vous. Mais qui êtes-vous monsieur? Mais je ne sais pas ce qui ah, vous ne savez pas qui vous êtes? Non, je suis monsieur... Je veux bien vous donner mon nom si vous me rappelez, parce qu'en fait je viens d'être appelé par un numéro inconnu. D'accord. Et en fait il m'a été j'ai été retransmis sur votre numéro. D'accord, ok, très bien. Et que voulait la personne là qui vous appelait? Elle me disait que je l'ai harcelé par Facebook et c'est un pur mensonge. Vous ne harcelez personne par Facebook? Non. D'accord, ok. Alors écoutez, bah, je vais prendre votre numéro de téléphone et puis je vais enquêter. Hein. Je veux pas être victime d'une arnaque, monsieur. Enfin, je sais pas ce qui se passe. D'une arnaque? Vous me traitez d'arnaqueur? Non, pas du tout. Vous composez, alors je sais pas qui a composé le numéro de la gendarmerie, on est tombé chez moi. Mon cousin, Valère, arrête s'il te plaît. Oui. Arrête s'il te plaît. Non, on vient d'être appelé par trois fois, par un type inconnu. D'accord. Mais c'est ce que je vois effectivement. Ouais. Je vois ça sur mon ordinateur qui a eu trois appels inconnus en effet, ouais. Attendez. Oui. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes qui en fait? Je suis la gendarmerie nationale, c'est le numéro que vous avez composé monsieur. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que vous m'appelez, est-ce qu'il y a une urgence? Non monsieur, on n'a jamais composé le numéro de la gendarmerie nationale. D'accord, très bien, donc là c'est pas moi qui vous ai appelé. Non mais par ailleurs, comme disait mon cousin là au téléphone. Oui. On c'est a votre été cousin. Contacté par un numéro. D'accord. Mais peu importe, mais j'ai pas décliné mon identité, je ne sais pas qui m'appelle. Mais je vous ai rien demandé monsieur, c'est vous qui m'appelez. Non, on ne vous a pas appelé. Ah si, écoutez, vous me traitez pas de menteur quand même j'espère. Non mais... Hein? Vous avez notre numéro, vous nous rappelez. Bah, je n'ai pas votre numéro puisque c'est vous qui m'avez appelé monsieur, réfléchissez un petit peu. Non, parce que la gendarmerie nationale, non, vous écoutez... auriez la possibilité de nous rappeler. Non, mais c'est-à-dire donc, qu'en fait, voilà. Alors si vous voulez, moi j'ai déjà reçu des appels également, apparemment ça venait de votre numéro. Il y avait des je t'emmerde partout donc c'était un peu délicat quoi. voyez, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre la conversation. Donc dès que je t'emmerde à gauche, je t'emmerde à droite. Voyez. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Monsieur, non, c'est-à-dire que donc écoutez, bon moi je suis à la gendarmerie là et j'ai eu des appels d'une personne avec une voix qui ressemble à la vôtre avec qui disait je t'emmerde. Bon écoutez, comment voulez-vous que j'y arrive, moi c'est pas possible. Non mais d'une part, moi j'ai insulté personne. Oui. Ensuite, on va se resituer dans le contexte. Vous avez quelle autorité, monsieur, pour au téléphone? J'ai toutes les autorités, monsieur. Non, vous n'avez pas toute autorité. Ah si, c'est moi le patron ici, c'est moi qui décide. Voilà, au revoir, merci monsieur. C'est trop parti en couille le truc. Il est con lui. Non là là là là. Bon alors du coup il en a eu combien bon, alors? Tu ne gagneras pas Mickaël, hein, tu n'en as que 6. Oh merde, ouais. Putain j'étais mauvais là. Merde. Pourtant t'aurais pu, il y avait moyen d'en placer plus. Hein. Oui c'est vrai, mais je suis pas parti en mode guerrier. J'aurais pu parler mais je pouvais pas. Ah oui non bah attends mais c'est normal, t'étais pas censé être là parce que je te rappelle qu'on était censé être entre. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. On était censé être en liaison, hein. On était censé. Bon, Quentin. Au début j'ai cru quand même. Hein. Bah oui c'est vrai. Bon alors du coup il en a fait combien Julien en fait? Il en a fait 9 pour le deuxième. Ah 13 et 9, d'accord, ok. Bon Quentin, mec, à toi de jouer, il faut que t'en fasses 14 pour gagner, ok? D'accord. Allez. Bonne chance. Vas-y, qui se la ramène un peu là. Bonne chance. Quentin, non, c'est pareil pour toi, tu peux pas réutiliser le même jeu. Hein. Enfin, tu dois pas faire j'ai reçu un courrier, blablabla, ou un SMS, etc. D'accord? Ouais d'accord. Bon et Julien il m'a un peu enculé là avec le coup de Facebook hein, mais bon évidemment Facebook, Twitter, enfin bref, on peut pas utiliser le même délire. Quel que soit le support. Putain, il va falloir, ça va prendre 10 ans maintenant, tu sais, de faire les comment on appelle ça, les trucs de... Les règles. Les règles sociaux. Les règles, exactement. Ouais. Donc, pas de réseaux sociaux, pas d'SMS, etc. Ouais, etc. Tu sais, c'est comme les conditions générales qui sont de plus en plus longues parce que chaque fois qu'il y en a un qui essaie de les enculer, il rajoute des trucs. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti, Quentin. À toi de jouer. Bonne chance, mon pote. Merci. Juste après, on aura Addicted to You de Avicii. Hey. Allô? Allô? Oui? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout à l'heure je vous ai croisé dans la rue. Allô? Ah ouais! Pas mal! Oh là là là là! Quentin, tu as été parfait! GG mec! Allez, pas mal, oui. Quentin, en plus, on t'a donné un je t'emmerde tout à l'heure. Donc, en vrai, t'en as fait 0, mais on va quand même rester sur le 1. Ouais, on peut lui donner un deuxième. Hein, non, 1, c'est minimum syndical. C'est bien. Ouais, mais là, tu l'as même pas cherché à comprendre. Ah, bah non, mais ça arrive, hein, c'est ça le jeu. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pour balancer, faut pas attendre qu'il réponde l'autre en face. Voilà, Julien, c'est l'expert en je t'emmerde. Bah, tous les mercredis, je suis à l'écoute. Hein. Ah bah, j'espère bien, Julien, la preuve. Et comme ça, tous les jours d'ailleurs. Et ça a marché puisque t'as gagné. Ah c'est sympa ça. Et ben voilà, bravo à toi Julien. Bon tu retournes. Merci. Chez Sandro Standard, bouge pas Julien. Je peux te faire un petit dédicace? Bah vas-y évidemment, profites-en. Oui, vas-y, une hop, dédicace là. À Fanny qui m'écoute. Très bien, c'est tu qui vas Fanny la serrer? T'as envie de la pécho ou pas? Bah vas-y, ferme ta gueule toi. Non mais vas-y, tu veux la pécho ou pas? Vas-y. Non, non. Allez Julien, tu veux la pécho ou pas? Non. Si, vas-y, ouais, si t'aurais pas dit ferme ta gueule, t'as envie de la pécho. Allez, juste ouais, un doigt. Bon, d'accord, allez. Elle ressemble à quoi? Elle est bonne ou pas? Ça va. Ah non, mais t'es con, s'il écoute, elle est bonne ou pas? Bah ouais. Elle est grave bonne. Ouais, on l'appelle. Beaucoup plus belle que la gueule de Toff. Hein. Ah ouais, mais ça c'est pas compliqué. On l'appelle, temps, on lui fait je t'emmerde. Ah ouais, tu veux qu'on l'appelle? Bah elle écoute, donc elle va savoir que c'est moi. Donc Tu lui as dit que tu passais? Bah ouais. Ah bah évidemment, pour se la ramener, en plus il a gagné, il va arriver demain à l'école comme un coq. Vacances, mec, holidays. Ah oui, putain, c'est holidays. Vrai. Holidays. Et tu speak English, Julian? Yes, ma'am. Yeah, motherfucker, man. Eh, nice. Dis-lui qu'on est des potes. Dis-lui qu'on se connaît bien, on mange ensemble et tout. Ça va aller écouter la radio, là. Ça va la faire kiffer. Bon, allez, hey, bro. Have a good night. Ouais, good night, man. Motherfucker, bitch. Yeah, Julian. Come on, man. Give me 5. Truc décalé. Salut, Jude. Ciao à toi. À bientôt. Salut. Et bon, Quentin, t'as été mauvais, mec. Tu reviens quand tu veux, hein. Ouais. Ça arrive même au meilleur, t'inquiète. Hein. Salut Julien. Ouais. Salut Quentin. Ouais, salut. Allez, ciao à toi, bye. Venez foutre le bordel tous les soirs. No Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et le son d'Avicii qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Addicted to You. Bonne nuit, c'est Mickaël No Limit. Don't know just how it happened. Tous les soirs sur Fun Radio. prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct évidemment, minuit 10. Là, il y a Styx qui dit mort de rire, t'as tout cassé là. Guillaume qui dit les gendarmes qui disent je t'emmerde, putain c'est trop là. Là j'en ai mal au ventre. Il y a Guillaume aussi, bravo Mickaël, tu m'as fait trop rire avec la police. Il y a Alain également, trop fort la gendarmerie. Benji également pété de rire, je suis en train de mourir de rire. Énorme le je t'emmerde là à l'instant. Kevin également, mort de rire, excellent. Il était bon cela dit, hein, notre ami Anthony. Hein. Non, il était... Julien qui était bon. Julien, je dis de la merde moi. Oui, il était bon. Il y a le Messi de la vanne également qui dit je suis mort de rire, j'avais besoin de ça ce soir. Thibaut énorme, le qui ça se transforme en canular. Abdou qui dit énorme, le je t'emmerde. Le jeu de rôle pour Pablo. Denis également, trop bon là à l'instant. Il y a Mystique également qui dit moi 3-4 fois par jour. Donc environ 20 fois par semaine, ça m'irait bien. Ouais, Mystique, mon cul, ouais. Je suis sûr t'aurais ça, après tu viendrais te plaindre. Ouais, c'est trop, serait... j'en peux plus, blablabla. Plus d'une fois par jour, je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses. Ouais, ouais, mais clairement, même une fois par jour, je pense qu'à un moment, tu te lasses. Mais bon. Bon, on va reparler avec Maeva, là, qui nous avait appelé pour les problèmes de relations longue distance. Thomas également, qui voulait réagir. Jawad, pareil. Juliette, qu'on va récupérer dans quelques instants. Et Jordan, qui dit 2 ans avec ma copine et elle habite à 300 bornes. Il faut être fort. Si le mec de Maeva est le bon, ça va marcher. Et Tom qui dit, moi, mes dessins animés préférés, c'est Tom Sawyer et les Simpsons. Ah ouais, Tom Sawyer, c'était bien ça. Tom Sawyer. Oh, c'était pas mal, c'était pas mal. Bon, allez, venez discuter avec nous. De quoi ? Je dis passer son temps à courir. Ouais, complètement, ouais. Venez parler avec nous, on est là, hein, 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis on va se faire le... Le ? Bah, les teubés de la télé. Ah oui. On est déjà en retard, là. Teubés de la télé, on fait ça à minuit d'habitude, là, et là, c'est dans Duck Dynasty. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça passe sur Planète Plus. C'est une télé-réalité sur une famille de ouf qui vend du matériel pour la chasse aux canards. Ouais. Mais là, ils cuisinent autre chose. La cervelle, c'est le meilleur. La cervelle d'écureuil rend intelligent. C'est grâce à ça qu'on devient moins bête. J'adore les femmes qui aiment les cervelles d'écureuil. Ça doit rester entre nous. Ah oui, il vaut mieux, hein, en même temps. Hein. Note sur Planète Plus, ça peut difficilement être vu par trop de monde. Bon, et puis dans le restaurant de Giuseppe, c'est la guerre avec les employés. Nous apprendre à nous comment il faut gérer le restaurant. Oui, bien sûr. Que vous allez. Mais vous gérez rien du tout. Comment gère rien? Mais vous gérez rien avec du avec tout. Des brailles comme vous savez ça, pas gérer. Mais c'est impossible. Impossible. Mais c'est quoi alors, ça? Déjà. Vous savez pas ce que c'est de gérer un restaurant. Parlez pas avec nous. Les employés se sont rebiffés contre nous, mais le monde est à l'envers, j'ai l'impression. Le monde est à l'envers. Ah oui, le monde est à l'envers. Ah bah maintenant. Oui. Oh là là. Bon, et si vous ne saviez, si vous ne savez pas quoi faire de vos journées, j'ai trouvé la solution et c'est dans 100% Mag. Mais son jeu préféré, c'est de solliciter les services consommateurs des marques. Hervé leur adresse des courriers de réclamation afin d'être dédommagé en coupons de réduction. Un bouchon de dentifrice qui ne ferme pas bien, un plat préparé soi-disant trop salé, des prétextes pas toujours honnêtes, mais qui fonctionnent à tous les coups. Ça, c'était pour de la lessive, j'ai reçu un bon de 8 euros. Ça, pour de la brioche, donc j'ai carrément reçu un carton de brioche. J'ai dû en avoir écrit une 100 à 150. Ouais, c'est pas mal hein, comme conseil là. Quel escroc. Bah ouais, si vous voulez manger, si vous voulez simplement vivre pour pas très cher, hop, vous faites des réclamations. Bon, après, il faut avoir le temps de faire. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon. Faut écrire, etc., envoyer le courrier ou le mail, etc., etc. Mais pourquoi pas, c'est vrai, hein, si t'es là, mère au foyer par exemple. Ouais, non, c'est clair. Pépère, hein, tranquille. Hop, t'écris. Voilà, il y a Antonin qui dit moi j'écoute tout le temps cette émission, je la kiffe. Merci Antonin, c'est cool. Préviens tes potes d'ailleurs si c'est pas encore fait. Hein. Julien également, mort de rire, vous êtes des malades, des oufs. Et Alexandre qui dit c'est pas un intello le boss car un coffre dans les chiottes, il y a juste à se fermer dedans et on a tout le temps pour essayer de l'ouvrir. Ouais, mais en faisant la clé après, c'est ça le problème. C'est ses chiottes privées. Et puis c'est ses chiottes privées, donc après il fait comme il veut, tu vois. Enzo qui dit punaise, je suis avec un pote, on est mort de rire. Ah ben embrasse ton pote Enzo. Et Benji qui dit 2 ou 3 rapports par semaine, c'est bien. Après trop, je pense. Après c'est trop, je pense. Mais rien n'exclut les jeux coquins. Ah bah évidemment. Et Lucky aussi. Moi, mon dessin animé, c'est oui parce que je suis fan de Sans Taxi. Oh là là, oui et le taxi là, toute une histoire. Toute une histoire. Volodia qu'on va reprendre maintenant là pour faire la colle. Volodia, t'es là? Oui. Très bien. Allez, vas-y, refais péter la colle. Elle est trash. Hein, il y en a peu qui ont trouvé. Je crois que pour le moment, on n'en a pas trouvé. Voilà, peut-être voir sur le Facebook. Il y a eu beaucoup de messages. On va vérifier dessus. Mais effectivement, ça a l'air un peu tendu. Vas-y, Volodia, fais péter la colle. Je brûle, mais je sers tous les jours. Qui suis-je? Je brûle, mais je sers tous les jours. Qui suis-je? On en parlait justement avec Giuseppe, son restaurant à l'instant. Enfin, on en parlait. Oui, donc c'est vrai. On peut l'utiliser à cet endroit-là, par exemple. Si vous avez la bonne réponse, envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez jouer aussi, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. On proposait un fer à lisser. Volodia, réponds pas surtout, hein. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, il y a Michel, qui proposait un fer à lisser. Non, non, c'est pas ça. Une ampoule. Non plus. Et Michel qui proposait de l'eau chaude. Non. On proposait un four également. Non plus. Il y a Terence qui proposait de l'électricité. Non plus. Non, pour la colle, c'est du bois. Non plus. Alors, Aurore sur le Facebook, il dit le cerveau qui brûle et qui sert tous les jours, c'est ça? Pardon? Le cerveau. Ah non, c'est pas ça. Non, la cuisinière. Non plus. Non plus, bon bah très bien. Une plaque de cuisson pour Romaric. Non plus. Non, bon bah très bien. Bah vous avez essayé, vous avez bien tenté, mais c'est raté. Vous avez la bonne réponse, on donne la réponse dans un quart d'heure. Hein. Donc allez-y, maniez-vous, vous nous appelez maintenant. Enfin, vous jouez maintenant, vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook, donc facebook.com/Amy, quelle officielle. Volodia, on te récupère dans moins d'un quart d'heure, ok? Ok. Allez, reste avec nous et puis continuez à nous dire aussi quels sont vos dessins animés préférés et quels sont les dessins animés où il y a des super pouvoirs que vous auriez bien aimé avoir. Ça, ça serait quand même pas mal. Genre Spider-Man. Pour pouvoir faire des toiles d'araignée. Ouais, pour te balancer entre les animaux. Mais c'est surtout pour ça, t'imagines, c'est la folie. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça peut être énormissime. Ou alors, encore une fois, le Go Go Gadget hélicoptère. Mais c'est nul. Mais non, t'as le Go Go Gadget, tu le dis Go Go Gadget hélicoptère et t'as une hélice au-dessus de la tête et tu peux voler, c'est génial. Je trouve ça nul, moi. Et puis ta voiture, elle avait les roues qui sortaient pour pouvoir passer au-dessus des autres voitures. Oh là. Non, c'est avec comment il s'appelait le chien Fido. C'était Fido. Ouais, c'était Fido, je pense en je tout sais cas. Plus. Bah ouais, mais Polo était fan pourtant. Là, il a honte, c'est pour ça qu'il fait marche arrière. Mais il regardait, quand je l'ai connu, il regardait Inspecteur Gadget à la télé. Et juste après Inspecteur Gadget, il y avait 4 Size. Et ça, c'était énorme. Bon, enfin, ça dépend quand, parce qu'aujourd'hui, ils mettent Inspecteur Gadget, il n'y a pas 4 Size arrière. Ouais, c'est vrai, mais à l'époque où moi je regardais, il y avait 4 Size. Et c'est là que je me suis découvert beaucoup de choses. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'elles étaient bonnes dans leur petite combinaison. De la connerie surtout. Bon, Maëva est avec nous là. Maëva. Allô? Très bien, Maëva qui est avec nous. Je rappelle aussi que tout à l'heure on va faire un karaopé, hein, donc les filles et garçons, si vous voulez jouer, je vous mets des extraits de musique, ma foi, très sympathiques. Tu connais le karaopé toi, Maëva, ou pas? Du tout. Ah, du tout, eh bah, très bien, bah, c'est dommage. Genre par exemple, il y a quelques temps, là, on avait balancé ça, donc le but était de retrouver qui chantait ça. Voilà. La réponse était évidemment Indochine. Voilà, donc le but c'est qu'on vous balance des extraits de musique version paix et il faut découvrir qui chante en fait, tout simplement. Donc si vous voulez jouer avec nous, ben, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je veux deux garçons, deux filles pour faire deux équipes. On joue dans quelques minutes. Bon, Maëva, alors toi tu nous appelais de Bordeaux, t'as besoin d'un... Bon, je vais pas dire de conseil à la limite, on va dire ça comme ça. Oui. Puisque tu sors avec un militaire depuis 4 ans, t'as même un bébé si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Voilà, quel âge il a le petit ou la petite? Il a 7 mois. Oh, comment il s'appelle? Eteroa. Comment? Eteloa? Eteroa. Eteroa. Putain, s'il est gay dans la merde. Non mais c'est vrai. Eteroa. Eteroa. C'est ça? C'est quoi? C'est France? Oui. Enfin, c'est une origine particulière? Oui, c'est thaïsien. Ah, ok. Eteroa. D'accord, j'avais jamais entendu parler. Moi non plus, je découvre des choses. Non, mais c'est original, cela dit. Bon, et donc du coup, il a 7 mois et bah ton mec, du coup, ton mari ou ton mec, peu importe, bah est toujours parti puisqu'il est militaire et donc bah là, il est en Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, alors du coup, on voulait savoir si vous avez déjà eu des relations longue distance et on a Jawad avec nous maintenant là. Salut Jawad. Salut Jawad. Oui, allô, allô. Bon ça va bien, ça va bien. Ça va. T'es dans la voiture, non? Ouais, je suis dans la voiture, je vous écoute. Ah, parce que j'ai entendu la fenêtre électrique, la vitre électrique ou les essuie-glaces, non? Non, c'est la vitre électrique. Quoi. Ah, c'est la vitre électrique, j'ai entendu. Oh. Ah, ouais. C'est pas manuel, t'as vu, au moins j'ai une bonne charrette. Eh, c'est bien ça. Charrette. Bon, alors toi, tu voulais réagir, toi, par rapport à Maëva? Ouais, voilà, c'est ça, par rapport aux relations longue distance, moi, le truc, c'est que j'ai 7-8 rapports par semaine. Ouais. Et j'ai pas de copine fixe. D'accord. Coupe ta radio, s'il te plaît, Jawad. Ouais, je vais la couper. Voilà, sinon il y a de l'écho. Donc, mais quel est le rapport avec Maëva? Le truc, c'est que voilà, moi, je me demandais comment elle fait, elle, pour... Bah ouais, pour rien faire, là, pendant... Une distance, une relation longue distance, quoi. Ah oui, pour s'abstenir pendant tout le temps où il est pas là. Ah voilà, c'est vrai. Ah bah voilà, ouais, mais ça. Bah Eva, comment tu fais? Tu penses à lui quand tu te touches? Non, je me tape son meilleur ami. Ça n'a rien à voir. Enfin, pour répondre, on va dire intelligemment, je pense que c'est l'amour qui fait que ça marche. Oh. Ouais, bah bon, après tu peux être amoureux, mais il y a un moment, t'as quand même des besoins. Hein. Après, tu restes une femme ou un homme, c'est juste pareil. Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que quand je regarde un autre homme, c'est sûr, il va me plaire, mais j'ai quand même une relation. Je peux pas aller voir ailleurs, c'est pas possible. Non, mais il y va pas. Après, on te dit pas d'aller voir ailleurs. Ouh là là, t'inquiète pas, on n'a pas dit ça. Ouh là là, il y a pas de problème. Non, mais j'ai compris. Mais c'est l'amour qui fait tenir, quoi. C'est les sentiments, parce que sinon, effectivement, tu peux aller voir ailleurs, quoi. C'est ça, en fait. Je pense. Ouais, ouais. Mais le sentiment, c'est beau, c'est bien beau, mais après. Mais après, ça ne te remplit pas, quoi. On est tous des humains, on a tous des besoins. Voilà. On tire à soi-même. Après, effectivement. Est-ce qu'aller coucher à droite et à gauche, c'est vraiment... Non, moi, franchement, je vais pas te mentir, dans un sens, je fais de mal à personne, parce que je promets rien, je suis pas là... Ouais, t'es pas comme Toff, quoi. Voilà, les femmes avec qui que je côtoie, elles savent ce qu'il en est. Ouais, ça, moi, je promets tout, je donne rien. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Je donne tout sur le moment, je rigole, je raconte des conneries, je fais rire, mais après... Après, t'arrêtes. Voilà, quoi. Voilà, je promets pas de je t'aime, pas de... Et c'est pour ça, les relations longue distance, c'est vraiment, pour moi, ça peut pas marcher, parce que le mec, il est de son côté, on a tous des pulsions. Moi, je connais pas des mecs qui sont là. Et, bah, tu sais, il y a pas que les mecs. Hein. Faut pas généraliser sur les hommes, hein. Les femmes, c'est pareil, hein. Oui, mais voilà, après, c'est une question de... encore pire que nous, mais sauf que nous, voilà, c'est... C'est une question d'envie, quoi. Mais vous... C'est une question d'envie, on est d'accord. Bon, bah, très bien, bah, merci à toi, Jawel, en tout cas, d'être passé. Hein. Tu reviens quand tu veux. Hein. Bah écoutez, c'était un plaisir. Hein. Je voulais faire une petite dédicace. Bah, vas-y, profites-en. Hein. Une personne, choisis la bonne. Vas-y, bah c'est Bim Bim. Très bien. C'est un nom bien composé, Bim Bim. Bim Bim, d'accord, y'a pas de problème. Bon, bah salut à toi, en tout cas. Merci de passer. Tu reviens quand tu veux, Jawel. Et tu fais quoi dans la ville, là? Qu'est-ce que tu fous là dehors à cette heure-ci dans ta voiture? Moi, franchement, j'allais rentrer, je vous écoutais. Moi, je suis ambulancier. Moi. Ah, ok. Je travaille au service de la population. Très bien. Je suis un bon samaritain. Bon, bah c'est cool, en tout cas. Bah, merci à toi d'être passé. Exactement, ouais. Salut Jawad, à bientôt. Allez, bonne soirée. Salut à toi. Ciao, Jawad. Bah, Maëva, reste là. Il y a Juliette dans un instant qui voulait donner son avis. T'es là, Juliette? Oui, bonjour. Hey, salut, bonjour. Salut Juliette, ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, Juliette, reste avec nous. Tu voulais donner ton avis par rapport à Maëva. On aura Thomas également. Et puis l'amour longue distance, vous avez déjà testé. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On en parle maintenant. On parle des dessins animés également. Ce micro, je vais lui casser la gueule tous les soirs à la même heure. Hier aussi, à chaque fois, il y a un truc qui tombe. Bon, il y a Camille qui dit mon dessin animé préféré, c'est les Power Rangers. Ah, je déteste ça. Ah, c'est pas un dessin animé? Non. Non, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est un truc bizarre. Il y a Quentin qui dit mon dessin animé préféré, c'est Dragon Ball, même si Dragon Ball GT, c'est merdique. Priscilla qui proposait Princesse Sarah, j'adore trop. Ranma & Mi aussi pour pouvoir pisser debout. C'est Hello qui dit c'est ça. Florian qui dit juste Mickaël, arrête de dire de Shinseka, s'il te plaît, il y a un I à la fin. Peut-être, ça se trouve, il est pas marqué dans la machine et du coup, je le fais pas. Mais s'il y avait un i, j'aurais dit aïe, hein, s'il est pas logique a priori. Clément Mda aussi, la téléportation comme pouvoir, ce serait ouf. Sinon, ton émission, elle déchire. Oui, pour Florian, j'ai oublié la fin. Ben, merci Florian en tout cas. Et Johan sur l'application Mickaël No Limit qui dit mon dessin animé préféré, c'est American Dad. On en avait parlé effectivement tout à l'heure. Restez avec nous, d'autres appels avec Toff dans quelques minutes. On va se faire le karaopé dans quelques minutes également sur Fun Radio. Et puis, on va faire plaisir à plus d'un là. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y en avait plein qui nous l'avaient demandé, le nouveau Martin Garrix là. Allez, c'est parti, j'ai encore reçu un mail tout à l'heure sur mickaël@funradio.fr. Martin Garrix, le nouveau. Il y aura Daft Punk avant 1h du mat et on va s'écouter le son de Hélicoptère maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Merci d'être là. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio minuit 30 là. Ouais, Nicolas qui dit moi j'adorerais le bus magique et Tortue Ninja. Il y a Daniel qui dit moi quand j'étais petit je kiffais. Alors il a fait une liste, hein, Dragon Ball Z, Ken le survivant, Chevalier du Zodiac, Nicky Larson et les dessins animés d'aujourd'hui. Il y a Naruto Shippuden, One Piece, Hajime no Ippo, je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, je crois pas d'ailleurs. South Park, Adventure Time, Regular Show ou encore Futurama. Ça c'est pour les trucs d'aujourd'hui. Il y a Sauce sur le Twitter qui dit Nicky Larson. Il y a Alexandre aussi. Moi mon dessin animé préféré, les zinzins de l'espace et mon pouvoir être l'homme de feu des quatre fantastiques. Et Ariel qui dit moi j'ai toujours voulu être une super saiyan. voulait aussi faire partie de la bande de Sailor Moon. J'adore les uniformes. Et Maxime qui dit les chevaliers du Zodiac avec les chevaliers du Pégase. Et Didoudoudi qui dit moi c'était Bob l'éponge. Ouais, putain, ouais, le pouvoir de Bob l'éponge. Voilà, il n'y a rien. En fait, au top. Minuit 30 sur Fun Radio, il y aura Daft Punk à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio. Le son de Daft Punk, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça. Ça me paraît pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses Thomas là? T'aimes bien ou pas le son des Daft Punk? Ouais, ça va. Il est pas mal, t'as envie d'écouter un son particulier toi? Non, ça va. Non, pas spécialement, d'accord, ok. Maeva, Daft Punk, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, je trouve ça cool. Moi j'aime bien. T'aimes bien, tant mieux. T'as envie d'écouter un son en particulier aussi en plus ou pas? Ouais, mais en fait c'est un son de Bordeaux et... Ah, c'est un son de Bordeaux, ah bah oui, ça va être compliqué. Ouais, ouais, c'est que avec du vin. Ouais, c'est que avec du pinard, ouais. Bon, c'était comment quoi, à tout hasard? C'est un groupe de Bordeaux, Tainos. Ah oui, non, là, oui, là, c'est un peu compliqué. Je suis pas sûr qu'on les sent en stock, malheureusement. Ils chantent dans les kermesses. Malheureusement, je pense que nous n'avons pas ça en stock. Ils chantent pas dans les kermesses, là. Non, mais on plaisante. Ah. Bon, eh ben, écoute, Maeva, il y a Thomas qui avait un conseil à te donner puisque Maeva nous avait appelé. Elle sort avec un militaire depuis 4 ans et il est toujours parti, donc forcément en relation longue distance. Et ton problème, en fait, tu voulais simplement voir s'il y en avait d'autres dans le même cas ou tu voulais avoir, plus ça va et moi, on attend. À passer ensemble, en fait, on n'arrive pas à passer beaucoup de temps ensemble, à organiser un truc avec le petit, il y a les travaux, ça devient compliqué, quoi. En fait, c'est ça qui empathie un petit peu dans la relation, quoi. Surtout ça, c'est dur, quoi. Bah oui, mais bon, de moins en moins de temps, bah forcément, puisqu'il se barre souvent. Et quand il part combien de temps? Ça dépend, entre 4 et 6 mois. Ah ouais, oui, non-stop. Ah ouais, putain, ouais, ça c'est chaud, par contre, hein. Ouais, 6 mois, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est clair. C'est clair. Attends, il y a Juliette, qui veut donner son avis là. Juliette. Oui. Comment ça va? Oui, Roméo. Oui. Bon alors Juliette. Alors ben moi j'ai une relation tous les 15 jours, ça me verrait une fois par semaine. Attends, Juliette, à quel âge? J'ai 58 ans. Ah quand même, hein, ah, très oui. Bien, mais bienvenue voilà. À toi. Hein. C'est du matériel usé ça. Bah, non. J'ai une relation avec un homme marié, donc c'est pas évident du oh, tout. Oh Juliette. Et il est plus vieux ou plus jeune? Ah beaucoup plus jeune, il a 30 ans. Oh là là Juliette, oh là là là là là. Comment est-ce qu'un mec de 30 ans peut se taper une meuf de 60? Je m'éclate de trop avec lui. Et de quoi tu m'as dit? Je m'éclate de trop avec lui, c'est trop bien. Ah bah oui, bah, c'est normal, il est jeune, il a encore la fougue. Hein. Ouais, mais moi, ah, ça te change les petits vieux. Je suis une femme très coquine, moi. D'accord, bah on n'en doute pas en même temps. Hein. Donc bon. Tous les deux, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, ok. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux alors. Voilà. Bah ouais, bah voilà. Bon, et donc, c'est quoi ton conseil à donner, toi, pour notre amie Maeva? Ben, je pense qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose, quoi, parce que c'est vrai que je pense qu'elle est très jeune et c'est vrai qu'à son âge à elle, ben, une relation. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours aimé le sexe. Ouais. Et c'est vrai que ça compte énormément, ça. Hein. Ouais, évidemment, évidemment. Juju. Ça compte beaucoup, hein. Eh, Juju. Oui. T'en as pris du kilomètre, hein. Eh, on s'est compris, hein. Ah ouais, c'est sûr, ouais, mais c'est trop bien. Eh, combien à peu près? 50, 60? De quoi? De virilité. Ah, j'en ai beaucoup quand même, hein. Combien... J'en ai beaucoup de choses, hein. En mètres? Non, je sais pas. Combien de mètres de bite t'as pris? Oh, s'il te plaît, arrête. Oh, Juliette, oh, on putain, est entre amis. Top, c'est vraiment un gros porc. T'es vraiment un sale con. Hein. Putain. Alors, franchement, oui, c'est un gros porc, c'est vrai. Hein. Bah, exactement, ouais. C'est vraiment une merde. Alors que, radio, Juliette. Radio super, hein. Juliette, on connaît la vérité. On sait que t'en as déroulé du câble. Hein. Oh, bah, pas mal quand même, oui. Ah bah ouais, alors, tu m'étonnes. Bon. Mais je suis attiré que par les jeunes. Que par les jeunes. Bah, essaye avec Toff. Ouais. Il a quel âge? Il a presque 40 là. Ouais, ouais, bah 40 ans c'est bon pour moi. Très bien. Bon Juliette, combien tu mesures? Je mesure 1m62. Combien tu pèses? Je pèse 52 kilos. Ah ouais? Quel est ton tour de poitrine? 85B. Oh! Tu les as remontés récemment? Non, absolument pas, non. C'est du vrai, ça c'est du vrai. Ah c'est juré, c'est sûr, oui. Attends, laisse-moi les toucher. Ah ouais, c'est du vrai. Hein. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 36-38. Oh, qu'est-ce qu'elle pas est mal, bonne, pas qu'est-ce mal. Qu'est-ce qu'elle est vieille. Qu'est-ce qu'elle est vieille. Je suis très moderne. Ah oui, on a bien compris aussi. D'ailleurs, ouais. Coup de fun, c'est bien la preuve. Pareil. C'est bien la preuve. Ouais, mais tu sais, tu peux repeindre une vieille voiture, ça reste une vieille voiture. Hein. Ouais, merci. Non, c'est pas pareil. Non. Bah si, mais c'est comme avec Toff. Tu peux refaire une sale gueule, ça restera une sale gueule. Il a une sale gueule. Hein. Voilà, c'est une tête de con, ça restera une tête de con. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça, c'est écrit dans les gènes. Bon, en tout cas, votre radio, elle est super. J'écoute votre radio à chaque fois que je suis chez moi. J'écoute votre radio. Elle est vraiment géniale. Ah bah c'est bon, c'est gentil ça. Juliette. Pas surtout, je change. Bon, on compte pas, t'inquiète pas. Si bon. On va changer un peu la gueule à Toff parce que ça commence à faire c'est peur. Mieux, mais, ça c'est mieux. Ouais. Mais sinon, on va pas changer. Faudrait éventuellement. Par contre, faut que j'aille voir. J'ai vu la tête. Alors attends. De Bruno. Par contre, faut que j'aille voir la tête de ta tête à toi, Mickaël. Ah bah oui, il faut. Sur internet, ouais. L'ordinateur. Mais tu verras, il est beau gosse. Moi, bon. Bah écoute, je sais pas, mais tu me diras. T'as quel âge, Mickaël ? Moi, je suis jeune, j'ai 22 ans et demi. Non, mais c'est vrai, non ? Bah, c'est vrai. Bien sûr. Eh, ah. Julie, il aime bien les femmes âgées, les dragueleux. Il aime bien les femmes cougars, non ? Ah, il adore ça. Il adore ça. Moi, je suis très mille. Nous, on a beaucoup d'expérience, donc c'est ah, bah pas, ça. Hein. Bah, c'est ça, hein, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'emmerde pas les jeunes, c'est ça qui est bien. Eh oui, exactement, oui, c'est vrai. Eh, c'est y a vrai. Pas de problème avec nous, jamais. Ah, complètement, Juliette. On prend du plaisir et voilà. Mais oui, tout à fait. Mais du coup, tu n'as pas donné vraiment de conseils à Maëva, la pauvre. Eh si, de prendre son pied et d'avoir rien à foutre. Son pied, déjà, ça c'est sûr. Et puis, ben, malheureusement, que le travail que son mari fait, ben, c'est pas évident du tout. Hein. Bah oui. Non, mais ça, elle est au courant déjà, hein, malheureusement. Mais peut-être qu'un jour, elle changera peut-être d'avis. Peut-être qu'elle ira peut-être voir ailleurs. Je pense. Eh oui, elle se trouvera un mec marié. Eh Juliette, voilà. Tu veux pas qu'on aille guincher ce week-end ? Pardon ? Tu veux pas qu'on aille guincher ce week-end au son de l'accordéon ? Y'a pas de problème. Avec les titis parisiens. Un petit pied dansant. Tu sais quoi, moi je vais en discothèque en plus tout, hein. Non. Ah oui. Où tu vas où, Juju ? Je vais juste à Montparnasse. Ah ouais ? Ah ouais, je mets bien, Juju, là. Laquelle ? Je vais au financier, moi. Au financier ? Ouais, c'est des gens de 25 ans à 55 ans. Ah oui. Oui, oui. Ouais, ouais. En fait, les mecs, c'est 25-35 et les meufs, c'est 50-60. Ah non, ça. T'as des gens de 25 ans, mais je me fais draguer à chaque fois par les gens. Ah ouais, quand même. Quand même. C'est trop bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, ça te rappelle ta jeunesse. Eh, Juliette. Ah, oui. Bon, bah, merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux, hein. Y'a pas de soucis, bah ça fait que j'ai la deuxième fois, bah voilà, comme ça jamais 203, tu reviens quand tu veux Juliette. Ah. Ok, pas de problème, merci. Salut. À vous. Salut hein. Ciao. Et à toi, je vais remettre un peu de botox. Voilà. Hein. Bah oui, bon Thomas également qui voulait donner son avis par rapport à Maëva là. Salut Thomas. Salut. Ça va ? Ça va. Bon, alors, c'est quoi ton avis toi par rapport aux relations longue distance ? Faut qu'elle fasse une pause. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Comment ça, faut qu'elle fasse une pause ? Bah qu'elle pendant un temps elle aille voir ailleurs. N'importe avec, quoi. Avec toi par exemple ? Non. Ah toi t'es pas intéressé ? Non. Bah pourquoi ? Parce que. Ah bon, bah elle a l'air bien pourtant Maëva. Ça je sais pas, combien mesures-tu Maëva ? 1m59. Combien pèses-tu Maëva ? Ah. Ça c'est moins charmant ça. Mais combien ? J'ai 64 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Ça regarde que moi. Non mais alors, ça doit être du lourd ça. Ouais, ça doit être du lourd parce qu'en plus là tu sors d'une grossesse donc ça doit être du très très lourd. Ah, oh, quel gros porc, mais t'es vraiment une merde. Ça doit être du 100D. Eh mais t'en branles Maëva avant, de toute façon il sera plein de laisse, il va ah, les ouais, il va spalucher après, ouais, il sera content. Moi je dis un bon 90D. Moi je dis un 85S. Ouais, bah, oh pas... là là là là là là. S comme salope. Ouais non mais sucé. S comme The me fout sa gueule. Ouais. Et la taille du pantalon que t'as acheté ? 42. Faut voir. Ah, Toff veut tester. Ah mais avec toi il faut pas voir, hein. On a déjà tout vu avec ta tronche. Hein. Oui, non mais ça je sais, mais on dans le met pas, qu'est-ce qu'elle est bonne parce que t'es une femme, t'es enceinte et mariée et nous on touche pas aux et femmes mariées. Et en plus mariées. Avec un militaire. Et avec un militaire donc on fait pas de vannes là-dessus. Qui plus est, déjà Toff est wanted là-bas, alors si en plus il est wanted en Afrique maintenant, je rappelle que le militaire est là-bas pour l'instant, on est tendu. Bah Thomas écoute bien hein, pour le conseil là, je pense que Maëva là maintenant elle est bien avancée là. Pas trop, non. Enfin, non, ah merde, putain, je pensais. Ah, pourtant, je pensais. Ouais. Ouais, vraiment, je pensais aussi, ouais. Elle peut pas partir avec lui ? Ah, bah oui, bah si. Avec si, le elle petit, va partir la avec guerre. Le mot, mon combat et tout. Ouais, c'est ça. Allez, viens, on va se faire, on va sortir une mitraillette aujourd'hui. C'est quoi, il part en famille ? Je dis, je vais prendre mon bébé sous le coude et puis on est parti, quoi. Ah, et puis après, il le sait, quand il partira en mission, il le mettra sur le char et puis il lui montrera. Ouais, il va lui montrer comment ça marche, comme ça, il sera déjà OP pour les prochaines missions dans quelques années. C'est bien. Regarde la grosse mitrailleuse à papa. Ouais, ça peut être bien, ouais. Bon, bah merci Thomas en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Est-ce possible de faire une dédicace ? Vas-y, bah une personne, choisis la bonne. Oh bah à la maternelle de. Vas-y. À toute la NFR et à ceux qui m'écoutent. D'accord, eh ben le message est passé. Salut Thomas, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Ouais, salut. Ciao à toi, bye bye. Bon, eh ben Maëva, malheureusement, là, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de gens qui ont la même situation que toi, parce qu'il faut se taper un militaire déjà, et puis après il faut qu'il soit toujours en mission. Il y en a de moins en moins. Et puis en plus il y en a de moins en moins. Cela dit au passage, si effectivement vous venez de vous brancher là maintenant, il y a Maeva qui sort avec un militaire, il est pas là pendant à peu près 6 mois sur l'année, donc un peu compliqué. Donc ça fait relation longue distance, donc encore plus compliqué. Donc si vous avez vécu pareil, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on en parlera et on te rappellera Maeva si jamais il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, on sait jamais. Ok. Bon, vous pouvez quand même vous appeler, rassurez-moi. Comment ? Vous pouvez quand même vous appeler, vous parler. Oui, on peut s'appeler. Après, la cam, ça marche pas. Enfin, là-bas, ça marche pas, la webcam. Donc, Je vais voir une fois en 4 mois. Oui, mais enfin, si vous pouvez vous appeler, c'est déjà ça de prix, quoi. T'as pas l'impression d'être célibataire, un moment, en fait ? Ben, si, en fait. c'est ça. Un peu, on est célibataire un petit peu, quand on a notre fille, notre bébé. Enfin, c'est comme s'il n'était pas là. Oui. Ça va être bizarre. Bah, bon courage, Maeva. Hein. Ok. Attends, il y a Laura aussi qui vient de débarquer là, qui avait son avis. Bon, on va la prendre maintenant. Tiens, Laura. Oui, salut. Oui, salut Laura de Montauban. comment ça va ? Ça va très bien. T'es en forme ? Ouais, super. Bon, super. Ah, bah, il y a Christophe qui vient de débarquer aussi. Bon, bah, Maeva, reste avec nous. Du coup, il y a tout le monde là maintenant. Dès qu'on a terminé, du coup, il y a du monde. Christophe de Bruxelles, 30 ans. Ça va, Christophe ? Ça va, Mika, et toi ? Très bien. T'avais aussi un conseil sur les longues distances comme Laura ? Oui. Bon, eh ben restez là tous les deux. On va se faire le karaopé dans quelques minutes. On va vous prendre également. On va faire les appels de Toff. On va faire aussi la réponse à la colle. Et on va se faire le son des Daft Punk. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on se fait le son des Daft Punk maintenant sur Fun Radio. Je vous l'avais promis au cœur de la nuit sans pub. Il est minuit 41. C'est Instant Crush. Merci de débarquer tous les soirs de plus en plus nombreux sur le Facebook et le Twitter notamment. Et puis à la radio évidemment. Tapez facebook.com/MIKL officiel pour venir rejoindre la communauté. On écoute Daft Punk maintenant sur Fun. Daft Punk sur Fun Radio, c'était Instant Crush. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mikael nos limites, nous on vous laisse pas tomber. Mikael de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio tous les soirs. Il y aura du son évidemment. Si vous voulez écouter un son particulier ce soir, n'hésitez pas à demander bien entendu. Vous mettez le hashtag Mikael sur le Twitter de l'émission avec Alexandre qui dit je veux un message de bienvenue. Je vous écoute depuis hier et je vous adore. Merci Alex. Bah tiens, t'en as un, tiens. Petit fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Ah bah bienvenue Alexandre, il va être content, il va rester longtemps avec nous. Marc il dit mettez-moi en contact avec Juju, bah si tu veux appelle le standard. Priscilla qui dit j'avoue et je confirme que tu es beau gosse. Oh merci Priscilla, enfin quelqu'un qui a bon goût, c'est beau. Et puis Fritri Alba qui dit il y a les zinzins de l'espace également. Il y a Pogoy sur l'application Mikael No Limit qui dit moi comme dessin animé j'aimais bien Jace et les conquérants de la lumière. Et Gaël qui dit mon dessin animé préféré c'est le Marsupilami. Bisous à Fun, vous êtes géniaux. Merci Gaël, les gros bisous à toi également. Bon, avant de faire les appels de Toff, avant de récupérer Maeva et avant de faire le karaopé, il y a la colle, on va donner la réponse maintenant. Et ouais, oui, il y a moyen que tu gagnes peut-être, Volodia. Bon, on y va, c'est parti. T'es prêt, Volodia ? Oui. Allez, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Si jamais... quoi, il n'y a personne ? Il n'y a pas de gagnant ? Bah, a priori, non. Comment ça ? Non. Non, mais sur le Facebook, on a regardé tous les noms, il n'y a pas un seul gagnant. Je demande vérification, parce qu'on peut... Ah, bah oui, bah alors... Facebook ? Comment ? Facebook ? Alors je le répète tous les soirs, facebook.com pour jouer et vous pouvez jouer par SMS également là. Bon bah du coup on va aller vérifier sur le Facebook, sur SMS en tout cas il n'y a qu'une bonne réponse. Donc on va vérifier, Volodia reste avec nous du coup hein. En attendant on va, en attendant du coup on va faire les appels avec Toff là hein. Allons-y. Allez allons-y, c'est parti, je rappelle que depuis tout à l'heure on essaye de voir un peu si les gens, combien de fois par semaine ils font l'amour. C'est et ça. Combien de fois est-ce qu'ils aimeraient s'ils le font plus ou moins. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que 10% voulaient le faire toutes les semaines, enfin voilà. une fois par semaine, 10% tous les jours, et les 70% autres, trois fois par semaine, ça suffit. Mais là, il manque 10%. Oui, mais ceux-là, c'est les indécis, comme d'habitude. Ah, ils ont indécis, d'accord, très bien. Bon, allez, on y va, on appelle grâce au numéro que vous avez envoyé sur le Facebook de l'émission, sur le mail de Toff, je vais y arriver, moi, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti, on appelle maintenant, allez, allez. Oh, minuit 47. Allô ? Oui, bonsoir madame. Non, c'est monsieur. Ah pardon, excusez-moi monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. Comment ? Non, je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. Et qui êtes-vous? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Et on se connaît? Ah non. Alors pourquoi vous m'appelez? Bah pour savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. Et toi, t'as fait combien de fois? Bah moi, j'ai du mal à le faire une fois par semaine. Ah bah oui, bah en même temps, vu ta gueule. Bah oui. Donc du coup, j'ai du mal à serrer, tout ça, enfin bon, une histoire. Mais du coup, ça répond pas à ma question, monsieur. Bah 10 fois par jour, moi. Ah, vous faites ça 10 fois par jour? Bah oui, avec ta mère. Ah oui, vous avez la santé quand même, hein. Bah ouais. Et surtout avec ma mère, parce qu'il faut être volontaire, hein. C'est sûr. Bah oui. Vu l'état... Bah c'est ça, hein, elle est plus toute jeune, hein. Bah disons qu'autant baiser avec une piscine, hein, ça mouille autant. si vous le dites. Je fais rarement l'amour avec ma mère, donc je peux pas me rendre compte. Et pourtant, vos parents, ils doivent être frères et sœurs, hein. Écoutez, mes origines belges peut-être, mais ça n'a pas été prouvé. Ouais, bah ouais. Sinon, c'était tout? Bah moi c'est tout ce que je veux savoir, combien de fois vous faites l'amour par semaine? Ah bah c'est bon, là, stop, la paquet de bien quoi. Pardon? Stop, c'est bon. Bah non, vous avez pas répondu à la question, monsieur. Bah j'ai dit 10 fois par jour. Oui, mais... Je calcule, 10 fois 7, 70, hein. Oui, mais ça c'est votre fantasme, c'est ce que vous avez envie de réaliser, mais en vrai, vous faites combien de fois? Bah, entre 10 et 20. Par semaine? Oui, non, par jour. Non, ça ce n'est pas possible, monsieur. Ah, ce n'est pas possible, hein. Même non, si vous êtes... C'est qui? C'est Toff, monsieur. Non mais c'est pas possible. Bah, je vous connais même pas. Comment vous avez eu mon numéro? Un truc hyper compliqué. Vous savez, en fait c'est un site internet. Vous rentrez des noms et après en fait ça vous sort des numéros. Enfin c'est un truc hyper compliqué. Moi j'y comprends rien. Vous savez c'est l'internet, hein, c'est moderne. Ouais, elle est pas jaune quoi. Ah voilà c'est ça, les pages jaunes. Ah bah vous connaissez alors? Ben oui, faut pas être sorti de Saint-Cyr non plus. Ah bah, si vous le dites. Bon, et donc, parce que sinon avec tout ça, vous avez pas répondu à ma question. Ben si, 10 fois par jour. Non, ça je sais que c'est pas possible, monsieur, c'est votre fantasme. Vous avez envie de faire ça, mais ce n'est pas possible. Ben si, demande à ta mère et tu verras. Tu l'appelles et puis après tu me rappelles et tu me dis quoi. D'accord, et eh ben écoutez, je l'appelle, je vous rappelle et je vous dis quoi. Voilà. D'accord, à tout de suite, monsieur. Ah, il a raccroché, très bien, parfait. Donc il faut appeler ta mère. Non, en fait, on va le rappeler comme ça suffit. Bon, bah attends, on va quand même d'abord prendre Maëva, on le rappelle dans 5 minutes. Parce bah que oui. Il va croire qu'on s'est un peu foutu de sa gueule. Bon, attends, on va prendre Maëva d'abord. Déjà que. Bah qu'on se fout un peu de sa gueule. Un peu, oui, complètement. Maëva et Laura. Oui, salut. Très bien. Laura qui est de retour, donc qui voulait donner un conseil à Maëva, un problème de relation longue distance, Laura. Alors, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner, dis-moi? Vivant la même situation. Quoi, t'es aussi avec un militaire? Ah oui. Non. Si. Ah bon, et quel grade il a lui? Bon, lui c'est un militaire du rang, donc il est pas au grade. Ah ouais, c'est aussi un minable quoi. Un militaire du rang, c'est-à-dire qu'il y a les militaires du rang et les militaires du pont. Ouais. Oh la vanne de merde. Oh la vanne de merde. Je bon. Fais ce que je peux. Et bah justement, c'est bien ce qu'on te reproche. Bon, et donc du coup Laura? Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je profite à chaque fois qu'il est là. Dès que. Ah, je crois que t'as dire je profite pars, à chaque et... fois qu'il est parti. Je me fais défoncer Lyon par tout ce que je peux. Par tout le monde. Mon trou de balle mesure 2m50. Mais tu l'as jamais trompé? Jamais. T'as raison, je le fais pas. Même pas un petit coup. Non. C'est bien, bravo. Non. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, bah 3 semaines. Bah oui, forcément. Non, ça fait 11 ans. Non! Ça fait 11 ans qu'on est ensemble et ça fait 6 ans qu'il est militaire. Ah ouais, d'accord, ok. Et genre, il part où? Pour combien de temps vous vous êtes séparés? Le maximum, ça a été 5 mois pour nous. D'accord, ouais, bah, c'est un peu comme Maëva, elle c'était 6-7, c'est ça? Ouais. 6-4, ouais, c'est entre 4 et 6, hein, de toute façon. Ah, en 4 général, et 6. Ouais. D'accord, ok. Bon, et tu fais comment alors? Donc, tu profites quand il est là? Bon, ok, d'accord, mais. Je l'attache au radiateur, il peut pas partir, c'est ça. Non, mais on essaye de faire un maximum de choses ensemble. Voilà, si on veut partir en week-end, on va partir en week-end, si on veut aller en vacances, etc. Surtout, nous aussi, on a un enfant et c'est vrai que quand le papa est pas là, c'est un peu compliqué. Donc, je comprends tout à fait, Maëva. Bah, ce que je peux faire, si jamais ça vous intéresse, là, je vous mets hors antenne en relation et puis vous parlerez de vos maris respectifs. Bah, si elle veut, ouais, pas de soucis. Hein. Voilà, ben moi, il est à l'armée, bah oui. Il m'a dit, je vais tromper. Non, mais comme quoi on a réussi à trouver quelqu'un qui a le même problème, qui est dans la même situation que la tienne, Maëva. On va prendre l'avis de Christophe également qui est avec nous de Bruxelles. Là. Salut Christophe. Salut Christophe. Alors, on t'écoute toi, bienvenue à toi. Mais voilà, la seule chose, il n'y a pas de miracle, la seule chose c'est soit profiter comme Laura l'a dit, ouais, un maximum. Mais bon, elle n'a pas beaucoup de temps de profiter avec parce que voilà, il part très vite. Et pour longtemps, et voilà, si la situation lui plaît plus, la meilleure des choses, c'est vraiment parler avec lui, voilà, lui demander d'être plus présent, donc forcément d'arrêter d'être militaire, quoi. C'est pas une mauvaise idée, mais si c'est sa passion, c'est compliqué, hein. Ben, moi je travaille tous les jours, je suis pas militaire, je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, je rentre tous les jours à la maison. Ouais. Ça n'a pas empêché ma femme de partir parce que j'étais pas assez présent à la maison. Et tu fais quoi comme tâche? Je suis boulanger. Ah, en plus tu lui fais les miches et tout là. Oui. Et elle s'est barrée, quelle école alors. Alors que tu pourrais lui fourrer la baguette tous les matins. Mais oui, mais c'est ça. Oh là là, je te jure. Bon, hey, Christophe, okay, du coup, si t'as des gâteaux en trop, tu nous dis, nous on passe les prendre. Hein. Y a pas de souci, on est ouvert à 5h, nous ouvert. Oui, ah, oui. Bon, alors 5h évidemment, c'est un peu tôt. Mais non, mais genre, le lundi t'es fermé? Lundi on est fermé, oui. Dommage. Ouais, mais vendredi 5h, moi ça me va. Ouais, vendredi 5h, pourquoi pas, faut aller le matin, ouais. Non, parce que sinon je serais passé éventuellement, ou alors un dimanche, hein, je passe comme ça, hop, vite fait avant d'aller à la radio. Je passe prendre les gâteaux. Ouais, tarte aux pommes. Le dimanche, on ferme à 13h, on est ouvert à 4h du matin. Ah ouais, mais enfin 4h du matin, c'est en très fait, tôt. En fait, tu fais la sortie des boîtes, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est la sortie des boîtes et les petits vieux, alors, très bien. Et elle est où, la boulangerie? À Bruxelles, elle est où? Elle est à Saint-Gilles. Ah ouais, bah oui, c'est notre, c'est pas loin des cieux de fin de Bruxelles. À côté du parvis de Saint-Gilles. Voilà, mais c'est pas loin, en plus, c'est très bien. Autant, il va passer vendredi. Eh ben, écoute, vendredi, je passe, que j'ai un rendez-vous. Ah bah en plus, bah voilà. C'est moi que vous avez proposé de venir au Martini Bar. Ah, en plus, oui, la semaine dernière, plus, vous avez invité, ouais, au Martini Bar, il payait son verre. Voilà. Ah, pas mal. Bon, écoute, on prend note, Christophe. Hein, on garde l'invitation. Et Toff passera ce week-end. Et vendredi, je passe. Il passe chercher les petits pains, là. Nickel. Parfait. Impeccable. On fait ça comme ça. Il garde lui un 8. Il va prendre ça. Ah, j'adore ça. C'est des petits gâteaux en forme de 8 avec de la crème bizarre. Ça et les cookies à la crème. Ouais, ramène-nous 2-3 cooks, là, Toff. Ouais. J'adore ça, les cooks. Bon, enfin, s'il va vendredi, je peux te dire que dimanche, elles seront plus en non, mais je ramènerai dimanche. Non, mais bah, pas voilà. Dimanche, tu vas. Non, mais dimanche. Tu nous fais un bien, petit peu il nous met bien et tout, nous, tout, tac, tout tac, est bien, tout là. On est pas bien. Bon, merci, Christophe, en tout cas. Avec plaisir, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux, à bientôt Christophe, ciao à toi. Merci. Bon, Laura et Maëva, restez là, on va vous remettre en antenne et puis après vous échangez vos numéros si vous voulez, hein, tout simplement. Ouais, d'accord. Ok. Salut, okay, ciao à vous, bye bye les filles, à bientôt, ciao. On va jouer au karaopé dans quelques minutes avec Cédric, avec Fred, avec Chloé, avec Marine. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Très bien. Bon, très bien. Marine de Metz. Je perds ma voix. Marine de Metz, donc Chloé des Vosges. Merci Chloé, c'est ta manière de dire oui, tu es un animal. Oui. Ah d'accord, parce que j'ai entendu. Elle rumine. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Fred également de Montpellier et Cédric de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Vous êtes tous là, on va jouer ensemble? Ouais, tout ça. Très bien, et ben, ne bougez pas. On va d'abord se mettre le son de Pharrell Williams, tiens, avec Happy. Ouais, ah, juste après on appellera encore bah, l'autre là, on avait dit au mec qu'on avait appelé, qu'on allait d'abord appeler la mère de Toff pour lui poser une question et qu'on le rappellerait juste après. C'est ça, pour vérifier s'ils se connaissent, quoi. Bah voilà, donc on va faire ça dans quelques minutes. Restez tous avec nous, on va revenir en direct et puis on va se faire bah, comme promis, Pharrell Williams, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Oui, on est en direct sur Fun Radio, il y a Laurine, Laurine Mickaël Tonight. Sur le Twitter qui dit Polo ta blague était nulle. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Il y a Roms qui dit j'ai vu la vidéo de la trottinette, elle est trop bien, vous déchirez toute l'équipe, merci. Oui, j'ai mis la vidéo disponible qu'on a faite hier. Je l'ai mise dispo sur le Facebook de l'émission. On va d'ailleurs refaire une petite séance maintenant si vous voulez gagner votre trottinette donc offert par Toff. Bien sûr, whiteboxshop.fr whiteboxshop.fr si vous offre donc la trottinette ce soir. En plus, elle déchire avec des petites têtes de mort. Il y en a des bleues, il y en a des blanches, il y en a des rouges. Elle a un bon design. Ouais, et nous on a la bleue et on la teste dans les couloirs de fun depuis hier. Le principe est simple, vous appelez, on joue ensemble et si vous misez sur le bon cheval, c'est-à-dire Polo, Toff, Sandro ou moi, eh bien vous gagnerez la trottinette, c'est aussi simple que ça. Bonne chance, appelez-nous pour jouer 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Adrien qui dit le chien de l'inspecteur Gadget, c'est pas Philo, c'est Fino. Juste. Ah. Exactement, c'est Fino. Philo, c'est un opérateur au Canada, un opérateur téléphone. Il y a Morgane qui dit il y a trop de dessins animés que j'aime, même si le plus marquant pour moi c'est Dragon Ball. Après, la liste est trop longue, comme Albator par exemple. Et Lorraine qui dit moi je kifferais être Homer because il fait que bouffer. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et d'ailleurs, si vous aimez Homer, je vous ai mis une coque d'iPhone sur le Facebook il y a 2-3 jours. Allez la voir, elle déchire. Il mange une pomme. Ça vous donne une idée de à quoi peut ressembler la coque iPhone. Mais allez voir, elle est pas mal là. Facebook.com/Mickaël officiel. Bon, on va rappeler le mec, Toff. Ah bah oui, il faut là. Bah oui, il faut parce que tu devais appeler ta mère pour voir si. C'est quoi? Pour lui poser quoi comme question? Bah je devais lui demander si elle baisait bien 10 fois par jour avec. Ah oui, lui. C'est vrai. Donc on va le rappeler maintenant, hein. Bah oui, allons-y. Ah bah c'est parti, on y va. On y va. Allez, j'espère qu'il va décrocher. C'est vrai qu'on avait fait tout ce cinéma pour rien. Allô. Oui, allô. Oui. Voilà, non, j'ai appelé ma mère, hein, et donc elle se souvient pas de vous, hein. Ouais, sinon, j'étais en train de penser, oui. Comment t'as eu mon numéro, vu que dans les pages jaunes, faut mettre le nom et le prénom? Bah parce qu'en fait je mets des prénoms au hasard et puis je mets des villes au hasard et donc c'est tombé sur vous. D'accord. Sinon ça vous amuse Bah non, ça m'amuse pas monsieur, je vous pose juste une question, il suffit d'y répondre. Et j'ai répondu, c'est bon. Bah non, vous m'avez répondu de la merde monsieur, répondez-moi sérieusement. Bah oui, j'ai répondu de la merde, j'ai répondu ta mère, oui c'est sûr. Bah voilà. Alors que si vous répondiez sérieusement, on gagnerait du temps monsieur. Ouais, enfin bon, moi demain je bosse donc voilà, j'ai autre chose à foutre. Bah, en même temps, vous savez, monsieur, depuis le temps qu'on se parle, si vous aviez répondu à la question tout de suite, vous m'aviez dit un chiffre à peu près cohérent que j'aurais pu croire, vous seriez déjà dans votre lit en train de dormir. Je réponds pas au post-tape, ok? Bah voilà, vous voyez, c'est vous qui faites des chichis, et après vous vous plaignez que vous allez pas dormir. C'est de votre faute, monsieur. Mais les chichis, tu vas les bouffer, tu vois. Bah, non, mais monsieur, c'est, arrêtez de vous énerver, de faire genre je monte sur mes grands chevaux, répondez à la question, on n'en parle plus, je raccroche et on se rappelle plus. Mais c'est bon, 10 fois par jour, c'est bon? Non, ça c'est fou. Une calculette pour calculer ou non, je sais pas. Non, ça monsieur, c'est un fantasme que vous avez de pouvoir faire l'amour 10 fois par jour. Et c'est tout à votre honneur d'avoir des fantasmes. Mais là, je vous demande la vérité. Mais voilà, mais 10 fois par jour. Non. Monsieur. Demande à ta sœur et tu verras. Ta sœur et ta mère, je la prends et je les prenne, non. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est pas facile le français, hein. Voilà. C'est une langue compliquée le français, hein, monsieur. Bah oui. Bah oui. Bah, c'est sûr, c'est moins compliqué que la langue de ta mère, mais bon. C'est vrai. Enfin, encore que. Et donc, du coup, combien de fois, monsieur? C'est suffit de répondre. Bon, 2 fois et puis voilà. Ah ben voilà. Content. Vous voyez comme ça, vous savez dire la vérité. Ouais, ben c'est bon. Maintenant, tu me rappelles plus. Bah non. Maintenant que je sais que bon, vous baisez pas beaucoup. Bah maintenant, je vais mieux dormir. En même temps, ta mère apprend de l'âge. Hein, les autres, voilà. Hein. C'est vrai. Bon, par contre, si je puis me permettre, j'ai connu des gens qui étaient beaucoup plus fins quand ils parlaient de ma mère. Enfin bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Vu que ta mère est grosse, je peux pas parler plus fin. Oui, c'est vrai. Allez, monsieur, une bonne soirée. Ouais, t'as pas intérêt de me rappeler. Ah bah non, je prends ton numéro, puis hop. Bah, me chauffez pas, parce qu'après, je vais vous rappeler. Mais bah oui, bah essayez. Bah non, me dites pas essayez, parce que je vais le faire. Ouais, bah c'est ça. Allez, tu vas voir le commissariat, et puis voilà. D'accord, alors écoutez, ça aussi, on peut en parler, hein. Parce que bon, ça fait un moment qu'on me promet des trucs, on va venir m'arrêter, tout ça, et j'ai encore vu personne. Hein? Mais si vous voulez, on peut essayer avec vous et vous verrez que vous y arriverez pas non plus. Ah ben, mais tu vas voir, moi je vais te l'emmener, tu vois. J'en ai ton numéro et hop, ils vont regarder et tout. Ouais, encore des belles promesses quoi. Vas-y, c'est quoi ton numéro, vas-y, dis. Bien sûr, alors 01. Non mais le vrai numéro. Mais mon vrai numéro, 01. Non, le vrai. Bah c'est mon vrai numéro, monsieur. Ouais. 01, c'est les trucs de pub, c'est de Paris ça. Oui, c'est Paris, monsieur, c'est de là que je vous appelle, oui. La pub. Ouais, mais c'est ça, non mais vas-y, donne ton vrai numéro là, si t'as des couilles. Bien sûr, alors 01 42 48 50 00. Ah, peut-être que maintenant que tu me le dis, c'est peut-être le bois de Boulogne là où travaille ta mère, ouais. Ah, peut-être, ah, ouais. Peut-être. Hein, donc je vous rappelle. Voilà. Hein, ouais, je vous rappelle comme non, ça. Non, c'est bon, là j'ai ton numéro maintenant, c'est bon. Ah oui, mais vous m'avez dit si je vous rappelle, je vais au commissariat. Bah oui, non mais c'est bon, là c'est bon, j'ai ton numéro, j'ai l'amené direct. Ah oui, d'accord. Dès demain, hop, c'est bon. Hein. Ah donc on se rappelle plus alors, il n'y a plus besoin. Voilà. D'accord. Vous permettez, je vous rappelle demain quand même pour voir si vous avez bien déposé plainte. Ça me fait plaisir, ouais, c'est. Mais essaye, tu vas voir. Bah, Me dites pas essaye, puisque je vais le faire. Non mais, alors là, je te démonte. D'accord. Eh ben, on se rappelle demain, alors. Ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Ouais, c'est ça. Hein ? On se dit à demain ? Dans le cul, tu vas voir, mon gars. D'accord. On se dit à demain, on se fait un gros bisou ? Ouais, alors là, mon gars, mais je suis pas gay. Hein. Je rame, mais je suis pas gay, quand même. D'accord. Eh ben, on se kissouille et on s'appelle demain. Ouais, allez, vas-y, salut. Allez, hein ? On verra si vous avez déposé plainte, comment ça s'est passé, tout ça. Ouais, pauvre tête. Allez, une bonne soirée ? Ta gueule. Vous avez remarqué le pauvre tête. Pauvre tête. Ah, il était motivé celui-là. Hein. Ah non, il est. Ah, il voulait pas lâcher l'affaire. Non. Ah, il ne voulait grave, pas. On va le rappeler demain. Ah, mais bien sûr, évidemment. C'est encore bon. Un qui me promet des trucs, mais je confirme. Bon, allez, on va se faire la réponse à la colle, du coup, maintenant, là. Volodia ? Oui. Bon, allez, on y va, c'est parti, Volodia, là. Putain, on est très en retard, là, du coup. Hein. Minuit 30 d'habitude, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, C'était la galère pour trouver des gens avec une bonne réponse, pas compliqué. On a trouvé une de bonne réponse sur les 1800 réponses sur le Facebook, dis donc. Bon, on appelle maintenant. Ta seule chance, Volodia, c'est que ça décroche pas. Oui, je sais. Sinon, tu l'as dans le cul, hein, je te le dis direct. Oui. Ou que le gars qui donne la bonne réponse, enfin, le gars qui donne la réponse donne la mauvaise, c'est possible aussi. Bon. Allez. Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Ouais, c'est Jordan. Salut Jordan, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Il y a Volodia qui a une colle à te poser là. Ouais. Alors bah vas-y Volodia. Je brûle mais je sers tous les jours, qui suis-je ? Attends, je répète parce que tu parles tellement vite. Je brûle mais je sers tous les jours, qui suis-je ? Moi je penserais à une flamme. Ah non. Ah c'est pas une flamme ? Non. Putain, j'étais persuadé que c'était une flamme. Bah c'est non, quoi c'est alors ? Une casserole. Oh là là, oh c'était ligne de merde. Oh là là. Bon, eh ben écoute, bravo Volodia. Bon Jordan, désolé pour le dérangement du coup. Hein. Ah bah c'est pas grave, mais j'étais persuadé que c'était ça. Bah écoute, moi aussi pour le coup, tu vois comme quoi. Hein. Bon bah Jordan, c'est rien, tu reviens quand tu veux, on va comme te filer un pack fun, tu restes là, d'accord ? Jordan ? Non. Il est pas parti, mais il est vexé, standard, c'est pas grave. Bon bah Volodia, bah bravo du coup alors. Hein. Bah oui, bah merci beaucoup. Eh bah je t'en prie, hein, écoute, le casque donc hein, va partir chez toi, le Beats by Dre. Volodia, eh bien. Bah ouais, mais par contre quel col de merde Volodia hein. Ouais. Comme ton prénom. Ouais mais il a gagné, donc il a gagné. Il s'en fout, il rentre chez lui, il a gagné. C'est vrai. Bon allez vas-y Volodia, une seule personne, choisis la bonne. Alors je fais une dédie à Robin qui est avec moi là. Très bien, bah en plus il est avec toi donc c'est con. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre du coup. Salut Volodia. Bah oui, à plus hein, à la prochaine. Eh ben écoute, à la prochaine, hein, mais sans cadeau la prochaine fois. Hein. Il va pas tout nous braquer non plus. Hein. Salut Volodia, je t'embrasse, ciao et toi, à bientôt. Au revoir. Allez, ciao. Bon bah du coup, on va se faire le karaopé là dans quelques secondes sur Fun Radio avec toujours Cédric, avec Fred, avec Marine et on a perdu Chloé, c'est pas grave. Marine au pire, elle va jouer avec elle va jouer avec Sandro. Avec moi-même. Ou elle va jouer avec elle-même, effectivement, pourquoi pas, oui. Bon, le principe, donc comme je le disais, Cédric de Charleville-Mézières, Fred de Montpellier, Marine de Metz et peut-être Chloé qu'on va essayer de récupérer des Vosges. On va vous balancer des extraits de musique. Version paix, bien entendu. Petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas. Il fallait découvrir par exemple le son de Avicii avec Hey Brother, c'était ça. Voilà. Merde, non mais je fais la merde. Voilà, c'était donc le son d'Avicii. C'est un petit peu compliqué sur certaines, c'est vrai, il faut quand même l'admettre. Donc, on va y aller. Marine, Cédric et Fred. Bon bah du coup Marine tu joues toute seule, hein, c'est pas très grave. À moins que tu veux jouer avec Polo. Non, ça ira, je suis toute seule. Oh. Comment tu as été congédié, Polo ? Ah non, mais moi j'ai rien demandé. On dirait Jared Leto qui t'a envoyé chier la semaine dernière. Moi ça me dérange pas. Ouais. Oh le vent. Oh c'est bon Marine, c'est bon, je t'aime bien toi, t'es bien, t'es une bonne Marine. Bon, allez, on y va, on fait péter le premier maintenant, celui ou celle qui a la bonne réponse doit impérativement donner son prénom d'abord, ok ? D'accord. Donc si jamais Marine a la bonne réponse, dis pas Marine et tu donnes la réponse. Non, tu dis Marine et quand je te dis oui Marine, là tu donnes la réponse, ok ? Pas de soucis. Allez, vas-y Cédric, Fred, Marine, on y va, c'est parti, premier son, let's go. Ah c'est chaud hein. Ah J'aime bien moi le... la Maline là, Marine. J'aime bien le blanc là derrière. Marine. Je dirais Martin Garrix. Martin Garrix, c'est bien essayé, mais c'est pas la bonne réponse. Cédric, Fred, une idée ? Non, pas du tout. Cherche un peu plus loin. Ils sont français. Je remets. Ils sont français, ils sont deux. Et on voit pas leur tête. Marine. Daft Punk. Elle mérite pas. Monsieur mérite. Avec Around the World. Putain, je le remets très bien celui-là, Locas. C'était bien celui-là, Around the World de Daft Punk. Très bon. Très bon son, effectivement. Bon, allez hop, on y va pour le son suivant. Vous êtes prêts ? Oui. Et en plus, c'est tombé, on va l'écouter justement après, tiens. Alors écoutez bien, attention, c'est parti. C'est du son dance floor, hein. Si, moi j'ai trouvé. Ouais, c'est sur le changement de prout là qu'il faut le reconnaître. Ouais. Alors Marine, Fred, Cédric. Changement de prout. Non, pas du tout, non. Non, vous voyez pas ? C'est comme le petit train. C'est comme le petit train ? Bah oui. Le titre. Non, c'est pas ça ? Non. Ah, alors c'est pas le bon. Le petit train. Non, je vois pas. Non, c'est celui-là, regarde. Hop là, regarde, je donne la réponse là. Je vois pas le rapport avec le petit train, mais tu me diras. Celui qui est en vert, là. Ah non, c'est pas ça, non. Ah, ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, merde, autant pour moi. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais d'accord. Alors oui, c'est comme le petit train. Ah, c'est moi qui ai confondu, autant pour moi. Ah. On va le remettre. C'est un duo. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Le petit train. Bon, le titre, c'est Chouchacha. Cédric. Flavel. Comme le petit train. Comment t'as trouvé ça, toi ? Tu l'entends, tu remets les feuilles. Ouais. Ah, le tan. Ah oui. Ouais. Ce qui nous fait un changement de paix. Cédric, Fred, Marine, on fait la suite juste après Fallwad avec Changes, ok ? Pas de soucis. Allez, bougez pas de là. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on se fait le son de Fallwad maintenant, comme promis avec Changes. Il est 1h15, on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue sur Fun Radio. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct, il est 1h17. Ouais. Eh oui, on est là. Il y a Franck qui dit Tof, ta mère travaille au Bois de Boulogne. On saura tout ce soir. Et il y a aussi Théo sur le Twitter qui demandait aussi. Qui a demandé comment on faisait pour jouer pour gagner la trottinette. Eh ben il faut appeler le standard maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va jouer ensemble dans quelques minutes. Il va falloir miser sur le bon cheval pour tenter de repartir avec cette magnifique trottinette. Il y a Thibaut qui dit la première fois que j'ai vu Toff, je l'ai décrit à mon grand-père qui a fait une rupture d'anévrisme. C'est pas bien Thibaut. Franck qui dit il y a Julien aussi. Moi j'ai kiffé Homer passe son temps à boire et à bouffer, c'est nice. Et Félicia qui dit moi c'était la reine des neiges ou encore DJ Sporama aussi, les Simpsons, puisqu'on vous demandait quel était votre dessin animé préféré. Et déjà top tweet, enfin déjà en top tweet, en top tweet ce soir. Et Mickaël, le mot-clé le plus tweeté en France ce soir. Merci pour tous vos messages, vous avez été nombreux ce soir. Comme je le dis, de plus en plus nombreux à tweeter et à être derrière votre radio, sur le Facebook également. Tapez facebook.com/mickaëlofficiel. Il y aura David Guetta dans un instant. Et puis on va se faire la suite maintenant du karaopé avec Cédric, avec Fred, avec Marine. Et on a récupéré Chloé au passage, tiens. Chloé. Bravo. Eh ben, qu'est-ce que t'as foutu, Chloé? J'ai bugué. T'as bugué, mais ce sont des choses qui arrivent, hein, tout à fait. Bon, eh ben, écoute, t'as pas raté grand-chose. Marine a découvert le son de Daft Punk et Cédric avait découvert le son de... c'était quoi ? Flavel et Netto avec Chouchacha. Un partout donc, il faut départager maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Oui. Je vous mets le suivant qui est, je pense... Alors, je sais pas s'il est donné, mais en tout cas, il est simple. Écoutez. Marine. Junior, Twerk en veine. Ouh, pas du tout. Non. Pas du tout. Les garçons, Cédric Fred, une idée? Non. Moi, je vois pas non plus. Hein. Non? Non. Bah, si, c'est un maestro. Marine. Stromae. Stromae. Rendez-vous au prochain règlement. Ah ouais. Ah oui. Eh oui, là on reconnaît facilement là. Bon, allez, 2-1 pour les filles. On y va, extrait suivant, écoutez bien. Bon là c'est un vieux son hein. Non. Pas d'idée? Si, moi j'ai une idée, j'espère que c'est pas ça. Non, là non. Non, c'est un groupe américain avec que des stars à l'intérieur. Il y a une meuf et des mecs. Ah oui, non, rien à voir. Cédric? Marine? Cédric? Black Eyed Peas? Les Black Eyed Peas! Avec Shut Up! J'avoue que quand on écoute le truc au tout début, on se dit ouais. Putain, c'est impossible à trouver. Et quand on met la version originale et qu'après on remet la version OP, on se dit ah bah oui, en fait, finalement, ça rend dans la case. Bon, 2-2, magnifique, vous l'avez pas fait exprès, mais c'est magnifique quand même. On y va pour le dernier extrait. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le karaopé, dernier extrait, c'est parti. Ah, c'est pas du son dance floor, je vous préviens tout de suite. Hein. Pas d'idée? Non. Ah si si, ah, écoutez bien, c'est de la chanson qu'on met dans des fêtes de merde en général, tu sais, genre à la fin des soirées, dans les soirées. Fred? Ce serait pas pour les chansons, une des chansons paillères ou je sais pas quoi, non? Ah non, c'est un vrai groupe connu malgré tout, hein, au final, écoutez. Ah, c'est un groupe? Vous voyez pas? Non. Écoutez bien l'air. Si, dans l'air. Écoutez dans l'air, bien, ouais. Écoutez bien l'air. Marine. Au bal masqué. Ouais. Au bal masqué. Danse, elle danse au bal masqué. Écoutez le début. Au bal masqué. Ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Bah oui, ça ressemblait quand même là. Oui. Ah ouais, c'est vraiment. Oh là là, et exact. Marine et les filles qui vous ont éclaté, ouh, les mecs. Bravo. Bon. Pour fêter ça, Marine, combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 D. D comme Denise? Non, D. Ah, oui. B comme bien. Non, D. D comme Denise. Dinosaure. Ah oui, D comme dynamite. Dessins énormes. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui, c'est énormissime, ah Marine. Oui, non, elle est parfaite. Ah bah oui. Bah oui. Puis, non, je suis content que t'aies gagné. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bien, c'est grâce à Chloé que t'as gagné, Marine. J'espère que tu peux la remercier quand même. Hein. Ouais, merci Chloé. Ah, elle est déjà partie dormir. Chloé? Aïe. Ah oui, aïe, exactement, oui. Tu as bien fait. Bon, les mecs. Ouais. Allez, cassez-vous là. Vous avez été mauvais. Mais non, on rigole. Bon, Cédric et Fred, passez une bonne soirée. Oui, Cédric. Ouais, c'est possible de passer une dédie, s'il te plaît, avant? Ouais, allez, vas-y, choisis la bonne personne, hein, une seule personne. Ouais, bah je passe un big up à tous les tweetos et à mon chouchou. Très bien, et bah le message est passé, Cédric. Salut Fred. Salut. Ouais, vous allez repartir avec tous avec un pack, vous inquiétez pas, y'a pas de problème. Salut Chloé, salut okay, Marine, d'accord. Gros bisous à vous les filles. Salut, ciao, bonne salut. Vas-y Marine. Je fais un gros bisou à ma bibouche family. Oh. D'accord, bah le message est passé, gros bisous Marine. Bisous, merci, salut. Bonne soirée. On va faire le jeu de la trottinette aussi dans quelques minutes. Et puis ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, il est là, il est de retour, il s'est Il n'a plus donné de nouvelles pendant un petit bout de temps parce qu'il travaillait sur de nouvelles chansons, un nouvel album. Mesdames et messieurs. Ah, le sifflement est là. Ah, on sait le qui c'est. Le sifflement est de retour. C'est mes... Je vais mettre le refrain directement. Jean-Pierre Sauzère. Salut Michael. Eh ben putain, on a cru que t'étais décédé. Et bonjour à ton équipe. Mais non, je suis pas décédé. Mais ça faisait longtemps qu'on avait plus de nouvelles. Non, tu vas bien. Bah et oui, ça va bien, mais bah, on a... J'ai pris un peu de recul avec tout ça, parce qu'on s'est vu, tout ça, puis je me suis dit... Et quoi, t'as pas résisté à... quand t'as vu Toff, tu t'es dit, oh putain, quelle horreur. Non, mais je me suis dit, prendre un petit peu de recul. Toujours passer sur Fun Radio, c'est pas bien. Bah de si, c'est... Temps, puis c'est bon. Bah ben oui, c'est comme l'amour, quoi. Il faut pas faire trop souvent. Voilà. Bah oui, ben voilà, c'est ça, bien évidemment. Évidemment. Bon, alors comment ça va, Jean-Pierre? Est-ce qu'il y a des nouvelles musiques qui arrivent? J'ai Jérémy qui me compose Super Disco, une nouvelle version. Qui est Jérémy? Celui-là qui m'accompagne dans mes concerts des fois, là. Les Petits Jésus Voyageurs. Tu connais le groupe, là? Ah bah ben, bien sûr. Bah, on le connaît bien. Il me fait une nouvelle composition, justement, pour qu'on puisse tourner en discothèque par la suite, hein. Bah bien sûr, évidemment, évidemment. Les jeunes, mes chansons, faut les remettre à jour, tu vois, hein. Évidemment. Sinon, bonne nouvelle, c'est que avec Pascal Astra Jolie, je devrais tourner un court-métrage d'ici peu. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Et l'Astra très jolie. Et ce soir, j'ai rencontré, Thierry Lhermitte, il tourne un... Non film. Ouais, c'est pas, j'ai eu le courage, j'allais le voir. Mais quoi, c'est ton pote? C'est une personne très sympathique. C'est ton pote? Il avait vu que j'avais du talent. Voilà. C'est ton pote? J'ai fait connaissance avec lui, puis voilà. Non, mais c'est pas possible. C'est ton pote? Bah, il peut devenir mon pote, je connais. Mais non, mais... De toute façon, dans ce milieu-là, c'est un peu ma famille, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Je suis orphelin, je paye plus personne. Mais t'es dans le showbiz, toi. Ma famille, c'est le spectacle, c'est le monde de la nuit. Évidemment, mais t'es dans le showbiz, toi. Bah, pas vraiment tout à fait, mais j'aimerais bien percer un peu plus quand même, tu vois. T'aimerais bien percer le showbiz? Voilà. Ou percer les culs? Oui. Bah les deux, bah, quoi. Les deux quoi. Tant qu'à faire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoute, impeccable. Alors est-ce que bon une nouvelle chanson arrive là? Parce que tu m'as dit qu'il y allait avoir une nouvelle version. Ouais, et à chaque fois des nouvelles versions, mais. Non mais j'ai remis les dessus, mais ça risque encore de prendre à peu près un mois. Ah mais, encore un mois là. De toute façon les chansons j'en ai, j'ai Echo de Rock, j'ai. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le producteur, tu vois. Ouais ouais bah je cherche un producteur etc auteur compositeur je vais réussir ma vie moi j'ai besoin de lui allez je vais faire pipi alors c'est pas ça et j'aurai des souceuses ah oui des souceuses non mais je veux dire aussi on va attends je cherche un producteur auteur compositeur moi j'ai réussi ma vie. Moi je la prends et je la nique. Pourquoi tu fais pas la tournée des années 80 et 90 là avec les mecs là avec Herbert Léonard et tout là? Bah non mais pour passer à ce stade là il faut quand même que j'ai un producteur derrière tu vois. Ouais c'est mieux ouais c'est vrai. Je vais pas me planter, pouvez-vous me passer dans la soirée des 80 Bah oui évidemment. Là, parce... Et sinon on va faire une soirée sur le paranormal avec mais oui. Les droits de l'homme là. Qui ça? Le 25 avril. Ouais mais c'est qui le mec des droits de l'homme? Bah je vais pas dire son nom parce que on peut pas citer son nom à l'antenne, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est au placé, tu vois. Jacques Chirac. Mais non, mais arrête de faire la broutille, merde. Sardou, je serai là et... C'est pas moi cet off. Il t'engueulerait. Non mais c'est qui le mec, je le connais? Bah non, je le connais pas, mais ça serait bien qu'un jour qu'il puisse faire sa connaissance, qu'il connaisse, tu vois. Bah oui, mais bon, et c'est quoi son nom? Je dis pas son nom à l'antenne. Non mais si on fait une émission, on va falloir le dire son nom. Ah oui, oui, oui, évidemment, évidemment. Mais là, il veut pas qu'on dise son nom, parce que... Bon, son voilà. Prénom, alors. Hein? Son prénom. Bah, son prénom, il s'appelle... Oh, t'es en train de réfléchir, t'es en train de mitonner, là. Je sais plus comment il s'appelle, hein? J'ai oublié. Jean-Claude. Jean-Claude Duss? Ouais, voilà. Ah, il s'appelle Jean-Claude Duss? Ouais. Bon, d'accord, ok, bah écoute... Oui, mais non, alors... Non, mais c'est pertinent pour faire une émission, mais pas de conneries, hein, dans le but sérieux, quand même. Tu vas inviter les frères Moldanoff et... Les frères... Moldanoff. Qui? Et aussi Jean-Pierre Petit, qui est scientifique, tu vois. Bah, donc, alors, eux, on peut donner leur nom, mais pas l'autre. Bah non, mais eux sont connus, mais on va pas donner son nom. C'est qui les frères Moldanoff? Il s'appelle ben, y a Igor maintenant, puis. Maintenant, c'est Kreshka, le truc. Comme ça, ouais. D'accord. Ouais, je le connais, c'est sympathique. Sinon. J'ai vu deux fois, j'ai verrai trois fois. Sinon, on est dispo le 28 ou 29 avril. Mars, bon, pardon. En fait, on verra bien. Si on le fait, cette émission, c'est un projet, on le fait pas, tant pis, hein, tu vois. Non, moi, je pense qu'il faut un moment, il faut aller au bout des projets, hein. Bah oui, hein, c'est comme l'autre fois, tu te dis, est-ce que tu viens à El Paso? Je suis venu, je suis pas dégoûté. Eh ben, t'es venu au El Paso, effectivement, oui, tout à fait. D'ailleurs, t'as vu, nous, on avait dit que toi, il fallait être habillé en lapin, et t'es habillé en lapin. Ouais, c'est vrai, bah, on pourrait faire un clip aussi, comme ça, avec un lapin. Évidemment. Oui. Moi, je dis, refaisons le clip. Il faudrait que je voie avec Pascal, il serait joli. Enfin, Vincent, ouais, il faudrait... ce monde-là. Non, il faudrait voir, il faudrait voir, clairement. Et Vincent, il va voir avec Pascal, il serait joli. Déjà, je vais faire un court-métrage avec lui, mais si c'est possible. Bon. Eh ben, écoute, voyez avec lui et tu nous tiens au courant. Et quand ce sera bien voyu, alors on le fera. Bon, ben exactement, tout à fait. D'accord ? Ouais. Bon, ben parfait, ben au plaisir, hein, Jean-Pierre. Hein. Au plaisir. Bon, est-ce que tu veux qu'on passe un titre, une chanson, là ? Ouais, ça me ferait plaisir que tu me passes un titre de moi, oui. Bon, alors attends, Attends, c'est quoi ça ? La branlette, c'est sûr. Ah non, merde, c'est pas ça, attends une seconde. Écoute du rock, tu vois ? Ouais, moi je préfère l'autre, moi. C'est ce qui colle à ma peau, hein. Ouais, c'est vrai, mais moi je préfère Wonderland. C'est plus dance floor. Ouais, mais Wonderland, tu sais. Ouais, mais bon, c'est plus dance floor, quoi. Ouais, non. Bah, si. On la connaît, tout le monde la connaît. Mais non, justement, tu sais qu'il y a plein de nouveaux auditeurs tous les jours qui arrivent et qui ne te connaissent pas encore. Oui, je sais. Ils connaissent pas le grand Jean-Pierre. Bien sûr. Et Jean-Pierre Sauzère, c'est ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou, ne me croque les orteils. Mais Jean-Pierre. Jean-Pierre. Pour les droits de la SACEM, on s'arrange comment alors? T'inquiète pas, mais de toute façon ta radio s'est relevée par la SACEM, je pense. Hein. Oui, mais bon, parce que moi j'aimerais bien être dans le relevé pour toucher un peu, quoi. Oui, bah écoute, toi t'es animateur, tu vois avec eux, hein. Non, mais quand je passe tes chansons. Ouais, mais t'inquiète pas, la SACEM, ils écoutent, ils relèvent. Hein. Oui, non, mais d'ailleurs, je vais les appeler, la SACEM. Ouais, non, mais justement, mais parce que je voudrais savoir, là, si je peux prendre 50% sur tes titres. Écoute, si tu veux prendre 50%, alors là, deviens mon producteur et produis-moi. Mais auteur-compositeur, je suis, tu vois, je pourrais dire, je suis ton producteur, auteur-compositeur. Ouais, tu vois ? Ah, tu vois, non. Mais bon, allez, 40% je prends. Ouais, ça va, ça. Tu prends tout, c'est bon. Non, bah 40%, c'est honnête. T'as écoute, 60, j'ai 40. Façon, je te demande pas de me produire. Je veux pas se tourner en antenne pour... Mais justement, chanson, justement. Voilà. T'es pas producteur, faut que je... Non, mais d'accord, mais justement, mais c'est pour une négociation, quoi. Ouais, non, mais bon, écoute. Il y a que Marx qui aurait pu le faire, toi. Bon, j'appelle mon avocat et... Karl Marx ? Ouais, j'appelle l'avocat et puis il prendra contact avec toi pour aller signer les papiers. Bon, mais de toute façon, avant de signer, moi je lis, et puis voilà. Hein. Oui, bah bien sûr, bah, tu vas lire, bah, moi, forcément. Ouais. Puis je serai devant monsieur les droits d'homme. Ou alors, ce qui est plus simple, c'est que je t'envoie... Tout le monde peut se faire avoir. Hein. Non, mais attends, ce qui est encore plus simple, à la limite, c'est que signe un papier, comme si on gagne du temps, je dois pas faire perdre les transferts, les envois et tout ça. Tu signes un papier blanc et moi je remplis. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, rigoler, c'est bien. Hein. Non, mais c'est pour gagner du temps. Ouais, non, mais non, faut arrêter les déconnades. Mais bon, tu le signes, tu envoies ça à Mickaël, Fun Radio, 20 rue Bayard, 75-008 Paris. Non, mais avec toi, moi, je passe mes chansons, voilà. Mais non, mais justement, mais c'est pour t'aider, là. Non, mais j'ai pas besoin de signer contre avec toi, mais je veux signer vraiment une grande maison de vie. Oui, voilà. Mais c'est ça, Mickaël Music Factory. Oui. Ça t'intéresse pas ? Non. Universal Mickaël. Non, mais t'inquiète pas, mais je suis sûr de déconner encore. Mais je déconne pas, Jean-Pierre. Non, je suis sûr de dire, mais t'as bien rigolé comme ça. Mais j'aime bien rigoler. Non, mais attends, il y a des moments où on rigole et des moments où on est sérieux. Non, mais de toute façon, je signe pas avec toi, moi. Bon, enfin, pourquoi ? Que tu me diffuses, ok, après tu veux plus me diffuser, tu fais ce que tu veux. Mais non, mais moi je diffuse, moi j'adore. Ouais, mais t'adores, mais quand tu passes toujours le même titre, les gens se lassent. Mais alors, c'est faux. Regarde Pharrell Williams, on l'a déjà tourné 100 000 fois, les gens aiment bien. Ouais, mais bon. Bah oui, voilà, donc, c'est ça. C'est autre chose que Jean-Pierre au pays des merveilles. Bon, écoute, je vais voir avec l'avocat et je te tiens au courant. Ouais, d'accord, ok. Bon, ça marche. Salut, bon. Jean-Pierre. Salut, puis je te dis à bientôt. Hein. Eh bah écoute, au plaisir. Salut, moi, Jean-Pierre. Je dans une quinzaine de jours. Oui, oui, bon, on fait comme ça, sans problème, avec plaisir. Ça roule. Avec plaisir, tu m'as donné libre antenne, j'ai parlé, je peux m'exprimer, voilà. Eh bah t'as pu t'exprimer, c'est génial. Surtout au niveau de Pascal Lastrajoli, parce que c'est vrai que... L'autre fois, il devait venir te voir à Fun Radio, puis il discutait de... Bah, il est pas venu, mais... bah oui. Bon, écoute, c'est pas grave, on s'en... De toute façon, Vincent, il gère tout ça. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà. Puis avec bonjour plaisir. À Max, qui m'écoute. Bah, très bien. Bah, salut, voilà. À Max. Salut, Jean-Pierre. Salut, au revoir. Allez, ciao. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Yves KL. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on aura dans quelques minutes la trottinette. On va sur le jeu là. Il y a la grosse chatte qui dit Jean-Pierre pété de rire et Pogouaille sur l'application Mickaël No Limite. Les chansons de Jean-Pierre, c'est déjà du paranormal. Bon, allez, 1h34, c'est David Guetta et c'est Shut Me Down qu'on écoute sur Fun. I was 5 and he was 6. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, 1h36. Il y a Oscar qui lit demain, j'ai bac blanc. J'ai besoin de déstresser, merci Mickaël. Petit message de bienvenue, je vous écoute depuis 3 mois. Cool. 23h. J'ai fait de la merde. Attends. Attends. Tu viens ici, je te boire ta gueule. T'as compris? Voilà. Mais t'es trompé le bouton. Jérémy Love qui dit mon dessin animé préféré, enfin plutôt manga, c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, c'est de la belle tuerie. Il y a D-Lake également qui dit j'aurais un. Bien Oggy et les. Ah, j'aurais bien Oggy et les cafards. Être un des cafards et me marrer pendant H24, pardon. Et alors, le top, c'est Goldorak pour Franck. Là, continuez avec vos messages. On est en top tweet ce soir, grâce à vous, comme tous les soirs. Continuez. Hashtag Mickaël pour demander ce que vous voulez, hein, pour écrire tout simplement. Il y a Maxime qui dit il a pris la grosse tête juste en chantant une musique impossible à écouter. Et Abdou qui dit moi, je parle musicalement, c'est décalé, ça incarne la joie de vivre, ça fait du bien. Après, le mec est rejeté. Ah non, Abdou, il est pas rejeté. Jeté, on l'a bien, notre ami Jean-Pierre, évidemment. Bon, on va faire le jeu de la trottinette dans quelques minutes. Pascal qui est avec nous, Kevin également. Salut tous les deux. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va, Andy. Bon, bah tant mieux. Hein. Bon, alors, t'appelles de Marquin, toi, Pascal. Et Kevin, t'appelles de Seine-et-Marne. Ouais, Montereau. De Montereau, d'accord, ok. Ah, Montereau, d'accord, ok. Alors, ouais, moi, on va. Et moi, c'est Marquin de Belgique, hein. Oui, on avait bien compris, Pascal. Pourquoi tu forces sur ton accent okay, comme ça, Marquin okay. Pourquoi. Pascal, pardon. Comment? Pourquoi tu forces sur ton accent? Je ne force pas sur mon accent, hein. Je suis natif de Bruxelles, hein. Ouais, mais moi aussi, mais ça m'empêche pas de pas avoir l'accent comme celui-là, Pascal. Ouais, mais je suis des marrons, hein, et puis, allez, c'est dans la bonne humeur, hein. Bah, évidemment, on dit, mais oui, t'as raison, on dit, écoute, c'est normal. Bon, est-ce que toi, c'est là, d'ailleurs, oui, ce qu'il est celui-là? Il installe les antennes. Ah, il installe les antennes, oui, parce qu'on va faire ça avec des micros sans fil, enfin, bref, une histoire. Bon, alors, Kevin. Ouais. On va jouer, tu veux jouer avec qui, toi, ce soir? Bah, toi. Non, mais il en faut deux. Un. Toi et Sandro. D'accord. Et toi, Pascal? Ben, moi, Toff. Car c'est ton fin une fois. Ouais, Pascal. Bianchi, après, tu dis pas que tu forces pas sur ton accent, mec. Hein, Pascal? Oui, allez, je vais faire un effort. Hein. Voilà. Bon, Toff et qui d'autre? Toff et. Pop. Aide-moi avec les prénoms parce que j'ai un trou. Ben, il y a Polo. Mais Polo, il a dit Kevin Lin. Non, il avait dit Sandro et moi. Eh ben, moi, Polo et Toff. Polo et Toff. Non, mais le principe, en fait, c'est que il y en a deux. Donc, vous devez choisir, vous devez vous mettre d'accord pour que ce soit les deux mêmes joueurs. Sinon, on va pas s'en sortir. Bah oui. Et après, vous devez miser sur l'un ou sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais moi, je préfère Toff. Parce que Toff, il a l'habitude avec les mobilettes. Hein. Oui, ça, c'est pas faux, effectivement. Enfin, les mobilettes, je sais pas, mais bon. Bon, en tout cas, il a essayé hier. Il a, en tout cas, le... Il gère le dossier, c'est-à-dire qu'il a déjà géré sur la piste hier, donc pourquoi pas. Donc Toff va jouer et Kevin, donc tu choisis qui après Toff? Tu choisis Sandro ou tu choisis moi? Toi. D'accord, ok, donc même équipe qu'hier. Alors attention, Kevin, à ton avis, lequel des deux va réussir, Toff ou moi? Toff. D'accord, et Pascal, tu choisis Toff ou moi pour le meilleur score des deux? Je reste sur ma première idée, Toff. Ouais, mais non, là par contre ça va poser un problème parce que sinon forcément il faut choisir un des deux, hein, en l'occurrence. Là il faut que tu mises sur moi. Je vais choisir alors. D'accord, parce que okay. Normalement il y a une seule personne, c'est pour ça qu'avec deux là je suis un peu perturbé. Donc du coup là maintenant tu joues. Alors on va faire comme ça. Pascal, tu votes pour moi, Kevin, tu votes pour Toff et forcément il y en a des deux qui va gagner, d'accord? Ok. Très bien, donc si Toff fait le meilleur score à ce moment-là, c'est Kevin qui gagne, ouais. Si c'est moi, c'est Pascal. Ok, okay. C'est parfait. Okay. On termine l'installation de la piste, on vous reprend dans quelques minutes. Avant ça, il y a Virginie qui est avec nous là. Oh, Virginie du Nord! Oh bah alors la gros beauté! Eh bah comment ça va? Ça va. Eh, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus, hein, Virginie? C'est vrai. Eh bah qu'est-ce qui t'a... C'est quoi cette voix, Virginie, là? Il fait froid. Il fait quoi? Il fait froid? Non, je suis souffrante. Ah, t'es souffrante? Quoi, t'as la grippe? Ouais. Ah merde. Bah ça c'est quand on se promène trop cul nu, hein. Ah oui. Oh là là là là là là. Oh là là là là là là là. Non mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Faut pas dire ce que je ne suis pas. Bon, et comment va ta copine? Mon amie Amandine, ouais. Elle va très bien. Elle va très bien. Ah, ouais. C'est redevenu ton amie? Bah, il y a que tes confiances, pas d'avis. Hein. Ah, ça c'est bon. Alors, pour rappeler l'histoire, donc on a rencontré Virginie il y a. En juillet? En juillet. C'était en juillet ou en août. Elle nous avait appelé pour je ne sais même plus quoi. Mais bien sûr. Parce qu'elle voulait baiser avec un mec. Il y avait Amandine, je sais plus quoi, qui était sa copine. Qui... Exactement. Et puis on a eu, bon après c'était le bordel, on a eu Amandine, puis c'était la guerre, et puis elle voulait plus parler à Amandine, c'était une salope, etc. etc. Et puis elle nous a insulté de gros bâtards. Elle nous a insulté de gros bâtards, et ben c'est depuis... Vrai, c'est vrai. Ah oui, complètement, hein. Eh, ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, et qu'est-ce qui t'amène alors? Attends, je l'ai là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Bon, alors du coup, bah, qu'est-ce qui t'amène, Virginie? Tu veux baiser avec le mec d'Amandine? Non, tu veux qu'il y ait du respect, enfin. Bah, oh, dis donc, c'est toi qui nous avait lancé avec ça la fois passée, hein, pas nous, hein. Oui, mais il y a que quelque chose pas d'avis aussi, hein. Bon, c'est vrai. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, je sais pas quoi faire exactement, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré un homme, et au fil du temps, et au fur et à mesure, j'ai appris à te connaître... Heureusement. J'ai rencontré plusieurs. Bah, heureusement d'ailleurs, je suis pas un mari, couche-toi là, voilà, ça c'est sûr. Non, mais. Comment dire, là, il y a quelques mois, ils m'ont dit si vous voulez devenir sa femme, mais je sais pas. Une demande en mariage. C'est bon ça. Ah, c'est du lourd ça, Virginie là. Ouais. Bon, ça fait combien de temps qu'il est avec toi? 5 ans. Ce gros bâtard. Attends. Ah non! Non, attends, ça fait 4-5 ans que vous sortez ensemble? Mmh. Et il y a quelques mois, tu nous avais appelé parce que tu voulais taper le mec de ta copine? Ah non. Ah si, Virginie. Non, il y a témoin, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui avait été défarfelu là. Voilà. Virginie, t'étais prête à passer à l'acte, hein? Ah non. Ah si. Il a failli y avoir des fourrages, hein. Ah si, si, oh, si. Oh là là là. Non. Ah non, si non, si non, si non. Ah non si si je peux pas te dire ça. Non. Ah Virginie, je peux pas te dire ça. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Bon Virginie, attends deux secondes. On va d'abord faire les appels avec Toff là avant de te reprendre. Appelle donc pour savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. D'ailleurs, combien de fois Virginie toi? Pardon? Combien de fois tu fais l'amour par semaine? Je répondrai pas à cette question. Bon, et combien de fois t'aimerais bien le faire par semaine? Sans commentaire. Oh là là, Virginie. Bon, une fois par jour? Quand même pas. Deux fois par semaine? Là où c'est un peu trop loin. Trois fois par semaine? Kindimo consent, très bien. Trois fois par semaine pour Virginie, c'est comme parfait. À peu près 70% des gens. Exactement, c'est donc la moyenne. Parfait, Virginie ne bouge pas de là. On va donc appeler d'autres numéros qui ont été envoyés par les auditeurs ce soir sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On va vérifier maintenant. Sonnerie pourrie. Ah oui. Ah oui, ceux qui mettent de la musique sur la sonnerie. Ouais. Puis de la musique avec un son pareil, c'est tellement bien. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. On fait un fou de connard. Et pourquoi vous dites ça monsieur? Ah, il a raccroché. Je crois qu'on était dans la même région que Virginie là, non? Oui, on est c'est le même coin. Hein? Va te faire foutre, connard. Remonter. Oui, gros bâtard, on le rappelle. Ah oui, pas forcément, à nouveau cette musique de merde. Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé. C'est qui l'appareil là? Moi c'est Toff. Pardon? Non, je dis moi c'est Toff. Ouais, bah moi je suis en train de bosser, vous avez pas envie de m'emmerder. Bah, salut, au revoir. Je vous emmerde pas monsieur, je veux juste savoir combien de fois vous faites l'amour par semaine. Et toi, tu baisses combien de fois par semaine, toi? Bah, moi, j'ai un peu de mal une fois par semaine, mais c'est bon, parce que, voilà, j'ai pas de copine fixe, et il faut que je la trouve, il faut qu'elle veuille, enfin bon, toute une histoire, quoi. Ouais, bah, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux de ta vie, connard. Allez, dégage. Bah, je vous remercie, monsieur, de le prendre comme ça, et c'est pour ça que je voulais juste savoir combien de fois vous le faites. Qu'est-ce que ça peut foutre? Ma vie privée, tu regardes pas. Salut. Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Allô? Je sais pas qui c'est. Oh, putain. Au bon tir. Virginie? Quoi? C'est pas lui qui t'a demandé en mariage? Ça va pas, non? Bah, je sais pas comment il vient de la même région là. Bon, on le rappelle. On dirait ton voisin. Bah, oui, on dirait. Attends, on le rappelle. Bouge pas, Virginie. Allô? Ouais, vous vous allez m'emmerder comme ça toute la soirée? Bah non, mais vous êtes qui, monsieur? Non, parce que je sais pas, on vient de m'appeler en disant, ouais, non, on vient de m'appeler en disant, vous faites l'amour, là, moi, je suis en train de travailler, donc je sais pas qui vous êtes, mais vous allez pas m'emmerder comme ça toute la soirée. Ah bah non, monsieur, moi, je veux vous répondre à ma question, je vous appelle plus, hein. Non, mais j'ai pas besoin de répondre à votre question, ça me regarde pas. Bah oui, mais c'est pour ça que je vous appelle, monsieur, donc vous pourriez faire un effort. Mais répondre pourquoi? Cette offre de qui? Cette offre de où? Bah, cette offre de chez moi, monsieur. Ouais, cette offre de chez moi, ouais, mon cul, ouais. Ah bah non, monsieur, je suis à Paris, je suis chez moi. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, salut, tu me laisses travailler maintenant, ok, d'accord? Bah oui, mais répondez à ma question, non, monsieur. Sinon, c'était un problème, mets-toi pas en numéro privé, fais voir ton numéro. Mais je peux pas, monsieur, c'est bloqué dans mon téléphone. C'est bloqué dans ton téléphone, mais... et mon cul, c'est du poulet. Allez, salut, laisse-moi travailler. Bah oui, mais moi, je vous donne mon numéro, si vous voulez. Allô? Bah donne-le-moi ton numéro. Alors, 01 42 ouais. 48 ouais. 50 ouais. 00 Ouais, c'est une grosse connerie, ouais. Mais non, monsieur, c'est mon numéro, ouais. Enfin, pourquoi vous me croyez pas? Bah, je sais pas qui vous êtes, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de vous répondre à votre question. Maintenant, je pose, vous me laissez tranquille. Salut! Oui, mais pour ma réponse, alors? Non. Allô, monsieur? Perchi, lui. Non, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur? Merde, il est parti, c'est dommage. Oh. Et mon cul, c'est du poulet? Bah oui, son cul, c'est du poulet. Et ton cul, c'est du poulet, Virginie? Pardon? Ton cul, c'est du poulet? Non, c'est de la date en une cuisse. Oh là là. Je veux bien une tranche de ta fesse. Là, moi. On est bon. Bon, allez, on se fait la trottinette et on va récupérer Virginie. Il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Restez sur Fun Radio, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on s'écoute le son de Shakira sur Fun Radio. Je l'ai promis, la Shakira et Rihanna. Can't remember to forget you sur Fun Radio. Bonne soirée. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, 23h, 2h. Dernière ligne droite d'ailleurs avec Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et d'ailleurs, vous voulez participer à cette grande émission. Si vous voulez peut-être être écouté, avoir une voix comme ça qui vous donne des conseils, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez l'appeler dès maintenant, hein, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Polo. Oui, c'est une voix qui est là tous les soirs pendant 5 minutes pour vous écouter, vous donner des conseils. C'est un petit peu le psychologue de Fun Radio. Bon, on va jouer ensemble maintenant avec Kevin, avec Pascal, avec la trottinette dans le couloir de Fun, puisqu'il y en a un des deux qui va repartir avec cette trottinette justement. Kevin qui avait donc misé sur Toff, c'est ça? Kevin? Ouais. Kevin qui avait misé sur Toff, Pascal qui avait misé sur moi, donc celui entre Toff et moi qui va faire le meilleur score fera gagner la trottinette à l'autre. Donc, on va donc jouer maintenant. Pour rappel, on avait fait la même équipe hier, hein, on avait fait la même équipe entre moi et Toff, donc. Et j'avais gagné avec 9 secondes d'avance, ce qui est quand même pas mal. Donc, bah oui, Kevin, t'avais qu'à réfléchir avant. Voilà, tiens, bien fait. Bon, on va donc y aller. Je coupe mon micro, je prends l'autre et on se retrouve dans le couloir de Fun Radio. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts, Kevin, même si vous n'avez pas fait grand-chose? Kevin et Pascal? Ouais. Oui, allez, hein, Mickaël, vas-y. Hein. Allez, ouais, écoute, on va faire ce qu'on peut. Hein. Bon, alors apparemment, on a changé une petite règle, on part de plus loin. On a toujours la même descente, c'est-à-dire un petit carton qui fait office de rampe, on va dire ça comme ça. Sauf que là, on a des studios de prod, si vous voulez, où on fait les jingles, etc. etc. Et, ah oui, donc c'est beaucoup plus loin. Alors, le trajet est beaucoup plus long, alors, très bien. Bon, alors, donc on a un mini couloir qui est encore en travaux parce qu'ils sont en train de refaire les murs à la radio. Donc, alors, plusieurs virages par rapport à hier. C'est beaucoup plus compliqué pour le coup. Le parcours il est hardcore aujourd'hui. Le parcours est vachement plus hardcore aujourd'hui, c'est vrai, parce que surtout que donc il y a une petite descente que vous allez voir sur la vidéo, mais je vous l'explique pour ceux qui vont pas forcément avoir l'occasion de la regarder. Donc il y a une espèce de descente, mais vrai sol, pas d'enfume, vrai sol. Et puis ça tourne, virage. Ensuite il y a une marche où il y a rien, donc ça va être une chute directe. Il va falloir prendre un petit peu d'élan pour arriver à voler par dessus, à réatterrir. Ensuite virage à 90 degrés pour arriver jusque devant les studios de Fun. Ensuite, on continue. Là, il y a 5 marches d'escalier où il y a une espèce de carton qui fait une espèce de pseudo-descente, mais en carton. Donc, on va autant vous dire que ça risque d'être compliqué. La virage à 90 degrés, parce que si on n'arrive pas à tourner, on se prend le mur et on se prend aussi la porte du sous-sous-chef. Ensuite, il faut arriver jusqu'au bout et revenir. Donc, autant vous dire que ça risque d'être un petit peu violent ce soir. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de dire, on va y aller, que le meilleur gagne. On est prêts ? Ouais. 3, 2, 1, attention, go, c'est parti pour Toff. Qui va ? Moi je cours devant lui. Attention, il arrive. Pour l'instant, ça va, il a géré. Et il continue. Attention, l'escalier est le plus dangereux là avec le carton. Oh non, non, non, non, non, non, non. Paf ! Ça y est, pour la porte du sous-sous-chef. On continue, il y a toujours les antennes. Ah ouais, on a bien entendu, ouais. Voilà, ça y est, on a même mis une petite poubelle qui fait office de rond-point de terminus. Là, il revient, attention. Attention. C'était la plus violente. J'ai failli tuer le caméraman. Ouais, mais dis donc, tu montes à l'escalier. Bah, puis tu voulais que je fasse comment? Bah avec de l'élan, mec. Bah c'est ça. Allô, je te jure. Et là, je fais hop là. Voilà, et là, on arrive de nouveau au retour. On est dans les studios de prod, là. Et stop, ça y est, c'est terminé. On en est à combien? Combien, Polo? 41,6 secondes. Ah ben bah c'est moins bon. Ah c'est moins bon qu'hier. Hein. Il a pas été. Ouais, mais le parcours est beaucoup plus long. Bah le parcours est plus long, c'est vrai. Mais enfin hier t'avais fait. Quoique finalement c'est pas mal. Il avait fait 39 hier et il a fait 41 maintenant. Donc dans l'absolu c'est pas si mal quoi. En fin de compte. Alors attendez, parce que là je suis en train de m'équiper moi, puisque bah forcément c'est moi qui vais essayer. A ton avis, je vais faire combien, Pascal? Moi j'irais 37 hein. 37, alors hier j'ai fait 30, 30,9, Toff avait fait 39, donc bah, on va voir hein, maintenant si ça va aller ou pas. Allez, alors, je compte attends. Sur toi, hein. T'es le bah meilleur, oui, bah, je sais bien, je suppose que tu crois en moi, j'espère bien. Bon alors attends, on est en train de m'équiper là, hein. Bouge pas Pascal, bougez pas tous, là on est en direct du couloir de la radio, dans les studios de prod. Alors attendez, hop là, je mets le casque, je suis équipé, je mets le micro devant la bouche. Et on va y aller, c'est parti, attention. Sois prudent, hein. Bah écoute, je vais essayer, mais c'est un parcours que je connais pas encore, donc je suis un petit peu... Ouais. Alors attendez, donc je suis... Et putain, de nouveau, ce guidon qui est de travers, vous êtes relou. Bah c'est genre, c'est de notre faute. Bah c'est toi, à chaque fois on le met droit et tu le fous de travers, là. Putain, t'as fait ça n'importe comment. Si on se met de travers, c'est qu'il y a bien une raison. Bon, on y va, vous êtes prêts? Ouais. C'est qu'il a été monté à l'envers. Oui, ça j'avoue, effectivement. Allez, on y va, vous êtes prêts? 3, ouais, on est prêts. 2, 3. 1... Go! Allez hop, c'est parti! Et là, c'est la descente, la première descente. Oh là là, il a pris la petite marche, il va arriver bientôt dans la descente de l'escalier qui arrive dans le bureau du sous-chef où il s'est arrêté aussi. Oh, putain, il a failli prendre la porte, mais tout juste! J'ai failli, mais je l'ai pas prise. Premier virage dans la longue ligne droite, hop, la petite bosse. Le tour de la poubelle. Hop, on est de retour. Et il revient, et je. Oh là là, j'ai failli mourir. Allez hop, le virage. Merde, ah, ça y est, il est parti avec les câbles des antennes. Oh! Putain. Il s'est tué dans la montée. Oh, tu pouvais parler de moi, hein, prendre l'élan. Ça n'a rien à voir. Ah bah bien sûr. Je vois pas de quoi tu parles. Ça y est, il va revenir dans... Oh putain. Les studios de prod. Stop, c'est bon. Et... MKL. Combien? 39,7. Et lui, il a fait combien? 41. Oui. Eh ben, victoire de Pascal. 39,7. Ah, oui. Ah c'est mon petit-fils qui va être content. Ah bah t'as vu, et tout ça avec le guidon de travers. Hein. Je tiens à le rappeler, c'était du sabotage. C'était du sabotage puisque Toff bien évidemment a eu lui le guidon dans le bon sens. Hein. Oui enfin bon vite fait quand même. Du coup je reviens à trottiner dans le studio. Hop là, voilà. Bon, finalement c'est pratique hein, pour se balader dans la radio. Ça passe nickel partout, ça passe crème. Pourquoi tu crois que Polo il fait tous les déplacements dans la radio avec maintenant? Voilà. Pouf. Ça fatigue, hein. Ah oui, c'est éprouvant. Franchement, la voiture, c'est quand même vachement plus pratique. Bah, je suis d'accord. Oh putain. Ouais. Ah oh, bah c'est mieux aussi avec le micro de la radio, hein, pour le coup. Bon, attendez. Alors, je suis en train de tout enlever là. Bon, bah Kevin, malheureusement, t'as choisi le mauvais cheval, hein, comme hier, hein. Ah là là. Ah bah ouais. Hier, pourtant, j'ai tout donné. Hein. Ah bah hier, hier, il y en a qui avaient misé sur, Toff. Bah regarde le résultat, tiens. Un échec cuisant, plus que cuisant même. Bon, eh bah Kevin, tant pis. Tu retournes ta chaise quand tu veux. Désolé, je suis un peu essoufflé. Bah oui, c'est ça, exactement, ouais, t'as raison. Et puis bah Pascal, bah bravo à toi, le petit-fils va être content. Donc toutes les félicitations, la trottinette qui part à Bruxelles, donc. Non, à Marquin. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, j'ai confondu en plus, effectivement. Bon, bah pas de problème. Et puis bah tout ça offert évidemment par whiteboxshop.fr. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Salut Pascal. Super. Salut Michael. À bientôt. à toute l'équipe aussi, hein. Bisous, bisous. Salut, salut Pascal, salut Kevin également là. Pouh, ça m'a tué là, je suis claqué. Ah ouais, c'est d'une... Pourtant, non, on sent qu'on est des vrais sportifs. Ah ben on sent que le sport est notre deuxième passion. Bah, je dirais même première. Hein. Première, oui, carrément, ouais, n'ayons pas peur des mots, non, effectivement. Non, et première. On peut se dire la vérité, quoi. Oh, et première passion là. Bon, bah 1h59. Alors ce que je propose, c'est que avant de récupérer Virginie, là, on va se faire. Qu'est-ce qu'on va se mettre Dust and Diamond avec Damn. Et puis on revient juste après avec Polo contre le reste du monde. Avec vous toutes et vous tous en direct. Avec le top tweetos également qu'on va faire sur Fun Radio. Et 2h du mat, c'est Mickaël No Limit. Bon, on va aller dormir. Hein. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, 2h03. Il y aura le top tweetos dans quelques minutes. On va savoir lequel va repartir avec le sextoy ou le t-shirt comme un air de rock. Et puis on va également se faire Polo Against the Rest of the World. On y va tout de suite. Directement à la cache. Ah bah oui, tu veux qu'on fasse sans préliminaire, rien. Il n'y a pas de préliminaire, pas de vaseline, on y va. Polo, on y va, c'est parti. Ça se prend à sec, Polo contre le reste du monde. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Virginie. Ouais. Salut gros potard. Hein. Ça va? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est molle. La salope dans Polo contre le reste du monde, j'écoute. Oui, Polo, tu m'excites, j'ai envie de te sucer la bite. Ouais, mais tu vas te calmer, la salope, là. Je vais la voir profondément dans ma gorge. Pas de vulgarité ici, on est sérieux, nous. Justement. Allez, casse-toi, la salope. Jean-Claude. Ah oui, Polo, j'aimerais bien avoir ta grosse bite dans ma gorge. Oh, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est la pleine lune ou quoi? Qu'est-ce que vous avez tous, là? Ben, on a envie de toi, Polo. Calme-toi, Jean-Claude. Cody dans Polo contre le reste du monde. Salut, Polo. Salut, Cody. Ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Bah rien, j'ai envie de te parler. Bah ok, bah parle alors. Bah voilà, c'est fait. Ah bah c'est génial, bravo. Juan, dans Polo contre le reste du monde. Ouais bah écoute, moi aussi j'aimerais bien mettre tout le monde dans ton cul. Mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans mon cul, Juan. Bah 2,5 cm moins. Il y a rien, non mais non, tu peux même pas mettre un doigt là-dedans, c'est tellement... c'est pas possible. Bah 3 ou 4. Parce que tu veux mettre le monde entier dedans, y a pas assez de place. La chatte dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Si vous voulez pénétrer, donnez le mot magique. Qu'est-ce que tu veux, la chatte? Miaou. Oh là là là là, quelle horreur. Le retour de Virginie dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Allô Virginie? Oui. Représente le Nord, la Picardie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est molle celle-là. La salope, le retour. Oui, Polo, j'aimerais que tu me pénètres violemment et que... Mais je n'ai pas envie, la salope. La salope. Je n'aime pas cette voix masculine qui... Mais c'est pas une voix masculine. Ah bon? Mais pas du tout. Bon, t'as quel âge? Je suis très vexée. T'as quel âge, vieille cochonne? Quel âge me donnes-tu? Je sais pas, 55? Ah non. 20? J'ai 20 ans. Ah, et qu'est-ce que... Pourquoi tu... Je suis toute jeune. Bon, qu'est-ce que tu veux, salope? Je voudrais que tu me défourailles le fion. C'est pas possible, Jean-Claude. Ah oui, mon Polo, moi aussi. Ah mais Jean-Claude, je n'aime pas ça. Coup de boutoir. Jean-Claude, tu sais que je n'aime pas ça. Ça fait des années qu'on se croise, qu'on se côtoie. Tu sais que je n'aime pas ça. Oui, mais à un moment, faudra bien que... Ouais, mais non, Jean-Claude, pas, non. Que tu me labours la nuque avec ta grosse... Jean-Claude, casse-toi. Cody, Jean-Claude. Jean-Claude, il fait penser à Gilou, non? Non, Cody, t'as pas autre chose à foutre là? Que t'as pas des devoirs à faire? T'as pas à aller dormir? Je sais pas. Non, de toute façon, je suis de mon collège, donc non, ça va aller. Eh bah, c'est bien, c'est intelligent, bravo. Juan! Ouais, bah, c'est toujours moi, et j'ai toujours envie de mettre tout le monde dans ton cul. Bon, bah, d'accord, bah, on fait quand pour l'expérience? On se prépare. Bah, écoute, bah, pas chez moi, ou moi je passerai chez toi. Et le monde entier, tu vas le mettre comment? Tu vas faire comment? Ah, bah, avec un entonnoir. Ah, d'accord, bah, parfait, la chatte, le retour. Polo, combien mesures-tu? 1m76. Quel est ton tour de poitrine? J'ai pas de poitrine. Ah bon, c'est sûr? Ah, sûr et certain, ouais. Quelle est la taille de pantalon que tu as acheté? C'est du 31. Qu'est-ce que t'es bon, Polo? Qu'est-ce que t'es bon? Et on va terminer ce Polo contre le reste du monde avec la salope. La salope! Oui, j'aimerais que tu vires cette espèce de grosse salope là, de Jean-Claude. La salope? Attends, oui. Je te passe. Jean-Claude, il y a la salope qui veut te parler. Oui, bah attends. Moi je parle pas à des connards comme ça. Bah moi non plus, attends, dis pour qui tu me prends? Bah, tu crois que je veux parler avec cette traînée? Hein? Attends. Moi je suis quelqu'un de respectable. Hein, je me fais pas défoncer par tout le monde. Hein, mais tu presque. Parles. C'est ça, oui. Bon les bouffons, arrêtez deux secondes, la salope. Oui. Allez, casse-toi, on termine le Polo contre le reste du monde. Jean-Claude. Oui, mon Polo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été maltraité, ma cochonne. Mais oui. Hein. Oh là là, ta gueule. Virginie. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? pain, du vin et du poisson. Mais qu'est-ce qu'elle est bête? Du pain, du vin. Bon, Virgie, tu t'en vas, hein, ou je te raccroche au nez? Non! Eh, gros bâtard, je te raccroche au nez? Allez, casse-toi, je t'ai raccroché. Cody, pour terminer. Bah, tu peux avoir un message de bienvenue, s'il te plaît? Mais, tiens, tu veux le message de bienvenue? Ouais, un message. Allez, casse-toi d'ici. Juan, pour terminer. T'as compris? Ouais, j'ai trouvé la solution pour remettre tout le monde dans ton cul. Ouais, dis-moi. Bah, en fait, tu coupes une bouteille en deux. Ouais. Et tu prends la partie où il y a le bouchon. Ouais. Tu mets bien dans ton cul. D'accord. Et en fait, t'enfonces bien tout, t'as vu? Ouais. Tu forces bien. Ouais. Et normalement, ça devrait rentrer. Parfait. Merci, Juan, pour tout ça. T'es vraiment un abruti. Allez, dégage d'ici. La chatte pour terminer ce polo contre le reste du monde. Qu'est-ce qu'elle est bonne, polo. Miaou. Je te remercie. Et pour terminer, Jean-Claude. Bah oui. Reine de la nuit. Mais oui. Salope invétérée. Oh oui. J'aime quand tu parles comme bon, ça. Bon, allez, on termine. Conclue un peu, là. Eh ben, viens me défoncer. Ok, Jean-Claude. Je t'attends. Allez, casse-toi. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Bien entendu. Allez, c'est parti. Oh, quelle magnifique émission. Incroyable. Incredible. Magnifique. Oh, amazing. Incroyable. Bon, 2h08 sur Fun Radio. On va se faire le top tweetos dans quelques minutes, là. Top tweetos, on va savoir enfin qui va repartir avec le sextoy offert par... passagedesir.fr ou alors le t-shirt comme un air de rock offert par comme un air de rock. Allez, on va donc y aller. J'avais dit que c'était le quatrième qui gagnait ce soir, sauf si le quatrième a déjà gagné. À ce moment là ce sera le troisième ou le deuxième ou le premier, enfin bref, le premier qui est tout près du quatrième et qui n'a pas encore gagné. En numéro 5, il y a qui? Alors et il n'est pas prêt. Mais si, je suis prêt. Bah non, la preuve. Mais si, c'est parce qu'il faut le temps que ça rafraîchisse. Oui oui, bah oui. Bah numéro 5. Alors c'est Julien. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Fred S. Numéro 1. La grosse chatte à ta mère. Là, va te faire enculer. J'ai parlé, il s'appelle comme ça. Et enfin numéro 4. Sarasvati. Sarasvati. Elle a déjà gagné, Sarasvati, non? Ouais. Non. Je sais pas, j'ai un doute. Non, parce qu'on l'entend souvent, mais je pense pas qu'elle ait gagné. Je sais pas encore. Bon bah écoute, du coup, bah bravo. On va vérifier ça. T-shirt comme un air de rock ou alors offert par comme un air de rock. Ou alors le sextoy offert par un passage du désir.fr. Quelle horrible voix off. Bon, et ben voilà, bravo à Sarasvati en l'occurrence qui a déjà, si elle n'a pas gagné déjà en l'occurrence, elle repart avec le cadeau, sinon ce sera pour le numéro 1, la grosse chatte à ta mère. Voilà. Bah on la fera avec un gros sextoy. Évidemment, bien entendu. Et il y a Clément Bach qui dit 40 secondes de sport, ils sont morts, on reconnaît les sportifs réguliers. Ah bah ouais, putain, je vais grave, dormir, attends, je suis mort là. Et on fait un footing tous les matins, je nous suis avec Mickaël, hein. Out. Complètement mort là, complètement, non, mais, complètement. La trottinette c'est fatigant. Mais franchement ouais. Mais bien sûr. En plus là il y a le stress parce qu'on est en direct, parce qu'il y a les courses mondiales, les escaliers, il y a une éventuelle chute. Bon bref, il y a plein de trucs qui peuvent nous tomber sur la gueule. Bon allez, on se termine maintenant avec évidemment le générique. Yopa, ferme ta gueule de merde toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde toi l'enculé. Car ton nom t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Mais je me branle sur le cul de ta mère, d'accord? D'accord. Je vais te fourrer ton froid quenelle avec mon gros clan là. Tu vas voir, espèce d'enculé là. Qu'est-ce qui se passe ici? Un four à bite ton cul, c'est. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais te la mettre bien profond dans ton trou du cul. T'as vraiment une voix de tafiole hein, quand même hein. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, putain. Et oui. Enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Juste ma bite. Ah. Voilà, merci Lou, comme d'habitude. Bon, eh ben on se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h pour la dernière de la semaine avec le canular également demain. Jeudi, les derniers casques, les dernières trottinettes donc à gagner. Et puis merci à tous ceux qui ont fait bouger le Twitter, le Facebook également et même l'antenne avec le Tos 85. Il y avait Cédric, il y avait Marine, il y avait Mickaël fan officiel, il y avait également Cédric, il y avait Jojo, il y avait Vincent, Magali également, Alex, Cédric, il y en a plein. Hein, forcément que je ne peux pas non plus tous les citer. Il y avait Mystique également, il y avait qui est d'autres, Devers 45, il y avait Emma, Mick 10 350, Amel également, Hot Bizzle, Drakit, etc. Bref, vous êtes nombreux, je ne peux pas vous citer, mais merci en tout cas à vous d'avoir été là comme chaque soir. On se retrouve demain dès 23h. La musique, le son dance floor non-stop, c'est jusqu'à 6h sur Fun Radio. À demain, ciao. Dans le casino Mickaël No Limit, tous les soirs, c'est blackjack, poker et machine à sous. Mais tous les soirs, c'est vous les grands gagnants. Mickaël No Limit sur Fun Radio, parce qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio.